L'animateur. Le plus trash de la bande FM. Et celui qui a un portable, arrête-toi. Sierra. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions bonnes. Sierra. Les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Donc, bienvenue sur Fun Radio. On va saluer quand même tous ceux qui travaillent, les chauffeurs routiers, les chauffeurs de taxi, les ambulanciers, les maîtres chiens et tout ça. Et puis, on va faire un petit coucou quand même à un qui habite, je sais plus où, là, du côté d'Angers, qui se reconnaîtra, un dénommé Didier, qui dit que je suis le gueulard. Et ben, le gueulard, il est toujours là dans... à votre écoute. Et donc voilà, donc bonjour aux grands sages et à Nounours, ils se reconnaîtront tous. Bonsoir à mon équipe. Alors Céline, bonsoir à toi, j'espère que t'as passé bonsoir, un bon petit Gérard. Week-end. Eh bien oui, un week-end de convalescence. Ah, t'as vu ton petit copain vendredi? Ah, non. Oui. Oh. Ouais. Si tu savais Gérard. Ouais, tiens mes genoux, j'y crois aussi. Hervé, à côté de toi. Bonsoir, bonjour. Hervé. Bonsoir Gérard. Bonjour, ben c'est ouais, notre si Thomas. Tu veux, ouais, bonsoir. Si tu veux, ben pour information, Céline s'est fait jeter vendredi. Ah ok, c'est bien. Doucement, ah, là, s'il vous plaît, au standard, on balance elle pas. Est donc hey, célibataire. Donc Franck, c'est Esteban. Ça. Esteban. Esteban, pardon. Esteban qui est sur le site internet. Tu me demandes pas si moi j'ai vu mon petit copain ce week-end. Non, ta petite copine. Ouais, pas merde. Ouais. Ma petite copine. Ouais. Bah moi, désolé, j'ai vu personne et puis. C'est con. Bon, bref. Et moi, je pue de la gueule. Et puis, c'est vrai. Il y avait Pedro. Ouais, bonsoir. J'avais oublié Pedro. Ouais, ouais. Comment va Pedro? Il va bien, et toi? T'as passé un bon week-end? Mal. T'as fait quoi? Rien du tout. Rien je du me tout suis fait chier. Pourquoi? Comme d'habitude. T'as rien fait? T'es pas sorti? Non. T'as vu que Lyon a gagné, hein? Ouais, moi, je m'en fous, moi, du foot. Oh là là là là. On va peut-être commencer le débat, Gérard. Entre le foot. Oh non, pas des petites. Oh non, Gérard, on dit pas putain, on dit maman travail. Gérard, merci. Annonce le débat, annonce que ça va alors être. Donc, le débat, c'est sur l'ASM. L'ASM, l'AS Monaco. Voilà, si tu veux. Ouais, donc l'ASM, ouais. Donc sur l'ASM, en fin de compte, si tu veux, voilà. Ouais. Et donc, on va attendre qu'il y a des auditeurs. D'accord. Donc, on venait de s'écouter de quoi, Pedro, comme disque? T'as pas le nom? On t'a alors... pas filé le nom. Bon, on va te filer le nom dans quelques instants, tu vas pouvoir l'annoncer. Donc, les gens, vous pouvez toujours nous appeler au 0800-308. Non, ça, c'est l'ancien. Vas-y, voilà. Non, mais allez. Elle l'a dit. 0825-08-5000. Et pour les Belges, 0033-0825-08-5000. Et sur le chat, donc vous pouvez y aller. Donc, funradio.fr. Et voilà. Donc attention, les questions, pas comme en d'habitude. Rapport avec le sadomal. Non, avec. Le sadal. Non, non. Sauf avec maman. Les questions. D'accord, ok. Pas avec d'autres personnes, d'accord? D'accord. Uniquement les questions. Voilà. Mais les questions peuvent être posées par des personnes. Oui, mais ouais, okay. sur certains points. D'accord, ok. Bah, de toute manière, lors d'une pause, je te dirai qui faudra, sur qui faudra parler et sur qui faudra pas parler. Oh. Voilà. Donc alors, on va accueillir Romaninov, Lyon 95.3. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Rachmaninov. Oui. Virginia, Toulouse 113. Gérard, 3. C'était Vagina. C'est Vagina, Vagina ouais. Pardon. Toulouse 113.3. Bonsoir tout le monde. Après, c'est Ulysse. C'est ça Ulysse 69, Gérard. Ulysse 69, Paris 101.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Et je récupère Pocantas de je sais pas où. De Toulon, 90.8. Salut Gérard, salut tout le monde. 115.8. 115.8, oui, c'est ça. Non, 119.8. Ok, c'est tout bon. Donc, voilà, donc on a l'équipe au complète. Alors, je préviens, des réponses sérieuses, pas des questions qui virent sur d'autres trucs, hein, d'accord? Pas de problème. On est bien tout le monde a bien compris, Romaninov? Ah, complètement, ouais. Virginia. Pas de problème, tu m'appelles Vagina, s'il te plaît. Vagina, ouais, ben, comme on a demandé à ce qu'on vous appelle d'urgence, c'est vrai. Et Ulysse 69. Tout à fait, c'est. Bon, ben, Pocahontas, de toute manière, toi, c'est pas la peine que je t'explique. Pourquoi tu le connais? De quoi? Bah, Pocahontas. Ben, ça vous ouais, regarde pas. Connais, oula, c'est privé. Hein. Ça vous regarde pas. Alors, comment privé, appelle-t-on? Oh, s'il vous plaît, merci. On commence pas. Alors, Virginia et. Vagina, Ouais, vagina, puis Ulysse. J'ai rien dit, désolé. On se calme. Alors, avec toi, quand. S'il vous plaît. Oui. On commence pas parce que sinon, ça va tourner au vinaigre. D'accord. Alors, comment. Alors, celui qui commence à faire coin-coin, il va aller voir si sa mère, elle va se faire sodomiser. Ça va être clair, net et précis. Ça fait le débat, Gérard. Ok. Dans le débat, Gérard. Dans le débat. Oh putain. Alors là, je préviens tout de suite que la première entourloupette entre Romaninov, Vagina et Ulysse, je vous préviens que je ne ferai pas de cadeau ce soir. Allez, vas-y. D'accord ? En de bon entendeur, salut. Voilà, déjà un coup de poing qui est parti. Et n'oubliez pas que ce que je vais dire, vous allez entendre le. Ah, il faut prévenir quand même. Voilà. Tu veux faire fouetter à la place. Si tu veux le faire fouetter, il n'y a pas de problème, il y aura les deux. Voilà, super. Alors, comment appelle-t-on une femme ou un homme qui pratique le SM? On va demander à Romaninov. S'il vous plaît, au standard. Rachmaninov. Oui, attendez. Gérard, ouais, au standard. Ça. Oui. On se calme un petit peu. Les micros éteints, surtout. Quand vous voulez parler, vous me faites signe ou vous faites signe à Pedro. D'accord. Oh, je parle. Oui, GG. Je voudrais bien qu'on m'écoute. Merci. Donc, Romaninov. Rachmaninov. Bon, alors, tu réponds. Oui. Non, mais alors, fous-toi bien de ma gueule. Attends. Attends. Tu sais ce que c'est, un débat? Tu me poses une question, j'y réponds. Attends, il faut me laisser un peu le temps, 2 secondes, ouais. Si tu fais partie de la des tantouses, c'est bon. Je crois qu'avec toi, on va s'endormir. Mais ça va pas ou quoi? Faut te calmer un peu, hein. Bon, alors tu vas fermer ta gueule. Un sadomasochiste, voilà. Alors, tu vas fermer ta gueule, tu vas aller voir ça. Voilà. Alors, qui c'est qui a coupé? On sait pas, on va voir, on va gérer. Vagina. Attends. On a une question, on peut peut-être en profiter pour une question. Oui. Est-ce que justement en rapport avec le débat, question de Mars, est-ce que Gérard, tu fais partie d'un club de SM? Non, pas du tout. Pas du tout. Pocantas? Attends, on est en train de gérer au standard, c'est bon? Non, ça fonctionne. T'arrives pas ou pas, Céline? Céline, qui c'est? Céline a réussi. Ça devrait alors, être bon. Romaninov? Oui. Bon, toi, je t'avais demandé, tu vas retourner voir Céline un peu? Ben non, mais attends, je t'ai répondu, j'ai dit un sadomasochiste. Attends, je veux savoir. Tu commences à insulter les gens tout de suite. Attends, tu permets que je vois si tout le monde est là? Bien sûr. Vagina? Oui, je suis là. Pocantas? Je suis là. Et Ulysse? Ah, c'est Ulysse. Non, c'est lui qui a raccroché. Hein. C'est Ulysse. On le rappelle. Là. C'est Ulysse qui a coupé. Je rappelle hein. Ulysse, déjà. On le rappelle. D'accord. Allez, vas-y. Alors, déjà Ulysse. Hein? Non, rien, je disais à Ulysse de revenir. C'est mieux. Il se revient. C'est un mec ou une nana, j'arrive pas à. Ouais, je sais pas, 101.9, à mon avis, c'est Ulysse 69, à mon avis, c'est un mec. Ça va être un mec. De Paris. Ouais. Alors, comment appelle-t-on une femme ou un homme qui pratique l'OSM? On va demander à Romaninov. Alors, j'espère que t'as bien compris la question, ce coup-là. Je viens de te le dire, un sadomasochiste. Un sadomaso, ça s'appelle comme ça. Ah, pour toi, ça s'appelle comme ça? Pour moi, c'est dans le dictionnaire, tu sais. Ah, parce que t'as regardé dans le dico. Ah, bah non. Regardez dans le dictionnaire, c'est tout le monde le sait, ça. Tu demandes aux autres auditeurs, tu vas voir. Vagina. Bah écoute, comme te l'a dit Anne Roumanoff, on dit un sadomasochiste. Mm-hmm. Ou une sadomasochiste avec un E si c'est une femme. Mm-hmm. Pocantas. Même pareil, un sadomasochiste. Ouais. Ulysse. Oui, je suis là, excuse-moi, j'ai eu un petit problème. Bah écoute, oui, c'est bien ça, un sadomasochiste, Gérard. Non, mais alors là, je crois que... Je pense que vous êtes tous plantés. Ok. Mmh. Alors, comment appelle-t-on une femme ou un homme qui pratique le SM? Ta mère. Ta mère, la lofteuse. Arrêtez, c'est pas bien. Attends. Gérard, alors là, Gérard. Chute les auditeurs, arrêtez les auditeurs, c'est pas bien. Là, ça va aller vite. Gérard, non, Gérard. Hein. Ça va aller très vite. Le mec qui a dit ça, il a intérêt de raccrocher tout de suite. Raccroche, celui qui a fait ça. Va-t'en. Parce que là, j'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds. C'est quoi ta réponse, hein? Alors, c'est une dominatrice ou un dominateur. Aïe, t'as déjà une émission sur téléphone, là-ci? Oui. Ah. Et ça existe, d'accord? Mais quand t'es... ça, c'est OK quand t'es sado, mais quand t'es maso, ça s'appelle comment? Un dominateur. Ah. Ah d'accord, mais je sais pas, on va t'expliquer un peu ce que c'est après. Ah ouais, ben... J'ai une question, Gérard, c'est Rachmaninov, j'ai juste une question. Est-ce que par exemple, la personne qui aime souffrir. Non, mais attends, hey, déjà, tu vas pas commencer à me poser des questions. Ah bon? C'est moi qui pose les questions. Vous, vous allez faire les réponses. Yavol, mein Führer. Et tu me parles sur un autre temps, parce que tout à l'heure, toi, tu as dégagé, mais vite fait. Parce que ce soir, j'ai pas l'intention de me laisser emmerder. Excuse-moi, c'est un mot en anglais qui m'a échappé. Je suis ouais, désolé. Ouais. Gérard, bravo. Il y a Mars sur fanradio.fr qui nous dit, est-ce que la personne qui pratique le SM, s'ils sont plusieurs, on les appelle des SMS? Non. Je vois pas du tout le rapport. Eh ben, question simple, réponse franche. Voilà. Donc, alors, j'ai bien précisé, et ça, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds ce soir. Ceux à qui ça plaît pas, que les gens que j'appelle restent sur le débat, c'est moi qui commande, ce n'est pas vous. On peut faire un débat, là? Oui, ben, on va le faire. Donc, c'est moi qui commande, d'accord? Deuxième question. Ouais, ben, toi, si t'es pas contente. Non, mais je fais avancer les choses, là, tu répètes. Non, mais attends. Toi, si t'es pas contente, déjà, c'est pas toi qui vas me commander, c'est moi. On a compris, hein? Parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres personnes qui ont envie de participer à des débats, à un débat, que d'entendre. Il y en a plein à l'internet, ouais. Ouais, ouais. Donc. Question, est-ce que... Bon, on va continuer dans l'ordre, parce que... Comment... On a peut-être une petite question d'Epsilon qui demande si nous, toute l'équipe... Bah, c'est une question qui nous concerne, Pedro et tout. Ah oui, ah, donc, ouais. Est-ce que nous, l'équipe, on peut être considéré comme sadomasochiste parce qu'on s'enferme seul avec Gérard? Est-ce que ça peut être considéré comme du masochisme nasal? Ouais, grave. Question d'Epsilon. Grave, chambé. Plus que ça. Ouais, on est d'accord, Gérard? Non mais Gérard, sérieusement. N'importe quoi, toi. Non mais on peut appeler ça du masochisme. Gérard, arrête de bouder. Non mais Gérard, mignon. C'est vrai. N'importe quoi, la réponse à Pedro, n'importe quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais vas-y. C'est quoi ta réponse? Ben vas-y, réponds ce que tu veux, de toute manière, t'as l'intention de me casser les couilles jusqu'au bout. Bravo. Là, il a brisé Pedro. Il a cassé, là. De manière, c'est à tous les débats que tu me fais le même coup. Alors donc, maintenant, j'ai l'habitude avec toi. Donc, continue à faire ce que tu veux, puis c'est tout. Ouais, je te martyrise. Ouais, non, mais continue à passer tes sales bruits. De manière, on sait que c'est toi, maintenant. Donc, la réponse du standard, on l'a toujours pas entendue. Hervé, est-ce que tu penses que c'est du masochisme? Attends, entre les deux, en fait. Entre les deux? Ouais. C'est vraiment, c'est très... C'est entre le S et le M, quoi. Entre le S et le M. D'accord. Tu as bien résumé. Faut avoir envie, quoi. Faut avoir envie. Ouais. Non, il faut être motivé, en fait. Plus M que S. Ouais, plus... Ouais. Moi, je suis plus S que M. Ouais. Bah, les filles sont plutôt S, en général. Ouais, bah, c'est bien. Moi, ça... D'accord. Ok, Gérard, enchaîne. Comment appelle-t-on une femme ou un homme... Merci pour le micro. Comment appelle-t-on une femme ou un homme qui vont voir une dominatrice ou un dominateur? Et on va demander ça à Ulysse 69. Oui, attendez, Ulysse, oui, Cécile, non? Non, je voulais répondre, mais je vais laisser les auditeurs. Ah ben, comme tu veux. Donc, Ulysse. Oui, tout à fait. Eh bien, écoute, mon fils Télébrachmar est dominé. Mais je suis pas ton fils, d'accord? Non, mais je te parle de mon fils, je ne dis pas que tu es mon fils, Gérard. Le fils d'Ulysse. C'est mon fils, Télébrachmar, avec son pote. Ouais. C'est pas grave. Bon, tu te réveilles ! Donc je disais que c'est un dominé dans ce cas-là, s'il n'est pas dominateur. Oh là là là. Il y a Eldonter Gonzo qui demande si avec ton ex-compagne, t'as déjà pratiqué le sandi masochisme. Alors là, je précise avant que... Avant que ça déborde. Alors je précise tout de suite, avec mon ex-compagne, je ne veux plus en entendre parler. Bon, clair, net et précis. Eh ben, je le note. C'est dit, c'est fait. Voilà. Parce que si c'est pour entendre parler de ça constamment sur le net, c'est même pas la peine. Donc, Ulysse. Oui. Bah, j'ai répondu à ta question, Gérard, puisque je ne sais pas et je suis là pour m'instruire. Non, mais attends. Tu sais ce que c'est, le SM? Ah, tout à fait. Et tu l'as déjà pratiqué? Bien sûr que oui. Alors, c'est bien. Alors, tu l'as déjà pratiqué? Tu participes à un débat, t'es même pas capable de répondre aux questions. T'es encore plus con que la lune. Oh là là. Alors tu vas retourner dans ta lune, espèce d'Ulysse de con. Wow! Oh là là, ça dégaine ce soir. Oh là là. Attention. Allez, hein. Ulysse terminé. Vagina. Eh ben écoute, je crois quand même que Ulysse n'était pas trop dans le faux, puisque si les uns sont les dominateurs, les autres doivent être les dominés. Mmh. Non mais attends, comment appelle-t-on une femme ou un homme qui vont voir un une dominatrice ou un dominateur? Ah mais toi, tu veux peut-être que je te dise le mot esclave. Esclave. Bah pas, c'est pas on peut pas considérer ça comme un esclave. Un esclave sexuel. Non mais attends, bah ça va venir petit à petit parce que de toute manière il y a certains trucs qui font partie de ça. Ça donne envie. Excusez-moi, Romanino. C'est un peu pareil, un dominé, un esclave, un masochiste. Voilà. Et pour toi, Pocontas? C'est un garçon, c'est un soumis. Une fille, c'est une soumise, et quand ça a de longues oreilles et une longue queue, c'est une souris. Ta gueule! Ça va pas, non. Gérard? Tu veux un truc à boire? Une touffe de poils. Tu veux... Ta gueule! Tu veux un truc à boire, Gérard? Ça va pas? Attends, ça sonne. Alors, celui qui s'amuse à dire ta gueule, il va se la fermer. Ta gueule! Allô? Il y a Pichouk qui dit, moi j'ai rempli un seau d'eau à Malo. Est-ce que je suis concerné par le débat? Non. Tourelle. D'accord. Donc, en fin de compte, je pense qu'à mon avis, il y en a qui s'amusent à faire les cons, et ça continuera. Non, et puis déconne-toi. Coin. Voilà, ça commence. Ça commence bien, il est déjà 1:47 et ça commence alors. Donc, en fin de compte, il n'y en a qu'une qui a pu répondre à la question, c'est Pocontas. C'est ta copine et puis elle a les réponses. C'est pas ma copine, d'accord? Ouais. Faut pas confondre tentacule et enculcateur vagina, d'accord? Non, mais je suis sûr que tu la connais, que tu as tout donné les réponses. Je n'y ai rien donné du tout, je ne la connais pas. Exprès pour qu'on passe pour des cons. Non mais attends, si t'es pas contente ma grande. Non mais je suis super contente de te parler. Attends, ça fait des années que j'attends ça. Mais j'ai un petit doute quand même. Alors, Pocontas. Allô, Pocontas. Oui, je suis là. Donc, alors, précise bien. Comme quoi que tu n'as ni les questions, ni les réponses. Ni les questions, ni les réponses. Donc c'est t'es con. Donc t'es contente, Vagina? Je suis super heureuse, ouais. Voilà. Alors on accueille Jean-Philippe de Montigny-le-Bretonneux 101.9. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir à vous Gérard, c'est Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Bonsoir à tous. Salut Jean-Philippe. Bonsoir à l'équipe. Donc, la question, c'est, tu veux y répondre maintenant que tout le monde a répondu? Si vous pouviez me la répéter, ce serait très agréable. Comment appelle-t-on une femme ou un homme qui vont voir une dominatrice ou un dominateur? Des perverses. Non mais encore plus con que la lune celui-là. Des perverses ou des pervers? Bah bien sûr. Pourquoi pas des parquemettes et des parquemaîtresses? C'est pas pareil quand même. Jeu de mots. Oh Gérard. Question d'epsilon. Question d'epsilon directement pour Gérard, mais vraiment intéressante. Est-ce que les sadomasochistes peuvent agir sur le moi intérieur et en modifier la profonde apparence? Et si oui, aux autres? Bonne question. Oh, chat, hein. Non attends, 5 minutes, tu vas répondre. Tu vas attendre. Je voudrais... Ouais, c'est bizarre. Dès que je te regarde, tu lèves les mains d'un air de dire c'est pas toi qui fais des conneries. C'est pas moi, je te jure, Gérard. Non, mais là, je vais vous dire une chose. Tu veux que je m'éloigne de la console? Non, parce que là, ça commence à bien faire. Ok, je m'éloigne. Parce que là, ça m'énerve sérieusement, là. Je suis là. Ouais, non, mais ça commence à m'énerver sérieusement. Qu'est-ce et ça passe, continue, hein? Et ça continue. Et de manière, c'est dans tous les débats, de manière, je pense que... Bon, allez, retente le débat maintenant, c'est bon. Oh, tu fermes ta gueule, toi. Alors, Romanino, au revoir. Non, c'est pas lui. Hein. Bah, je m'en fous, voilà. Je ne cherche pas maintenant, c'est terminé. Je pense que c'était justement. Il faudrait que vous ressentiez les débats. Vagina. Oui. Au revoir. Au revoir. Voilà. Je me retrouve tout seul avec la bête. Non, tu ne te retrouves pas tout seul avec la bête, manque de peau. Bah non, il est con. Alors, quelle est la question sur Fun Radio? Gérard, c'est un connard. Gérard, sur Fun Radio. Oh là là. Un connard, j'ai fait croire que c'est ton pote, mais en fait, pas du tout. Vagina. Bon, bah quand ça sera arrêté, ce bordel. Qu'est-ce qui se passe? Je préviens tout de suite que dans 5 minutes, je mets un disque. Déjà? Eh oui, je vais mettre un disque. Je vais mettre un disque. Coussin d'air de Lille. Ouais, salut. C'est salut. Coussin d'air, ça va? 89.6. Ouais, de Lille. Donc la question, et on met un disque. Déjà? Ah oui. Non, Gérard, pas tout de suite. Encore une question. Elle est en train de mourir, Gérard. Tu veux pas un truc à boire, t'es sûr? Si, je veux un petit thé. Tu veux une verveine? Nom d'une fellation. Alors, Jean-Philippe, au revoir. Au revoir. Il n'y aura plus personne. Il y a Dream Death qui demande si tes voisins sont masochistes, Gérard. Oh putain, il va mourir. Il va mourir en direct. De quoi? Il y a Dream Death qui demande si tes voisins sont sadomaso. Bon, laisse tomber, je réponds pas à des questions comme ça. Bon, allez! Maintenant, c'est. Ils sont enculés par mon ours. Je suis sûr. Oh! Merci. Alors là, je crois que ça va aller vite fait ce soir. Vous cherchez la merde, mais vous allez la trouver. Hein. Gérard, ressente le débat. C'est pose ta question. C'est moi qui vous le dis. Bon, les auditeurs, calmez-vous. Le bruitage aussi, arrêtez. Alors, il nous reste. Donc, Romaninov, j'ai dit au revoir. Ok. Vasinia, j'ai dit au revoir. Il te reste qui? Alors, il nous reste. Il reste Pocahontas. Pocahontas, ok. Il reste qui d'autre? Coussin d'air. Et qui? Et Ken le Dominateur. Ken le Dominateur, t'es là? Bonsoir, c'est bonsoir. Ken le Dominateur. Bonsoir, toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Gérard. Salut. Bonsoir, les auditeurs. Tu vas bien? Salut, Ken. Ça va? Survivant de l'enfer. Tranquille. Quels sont pour vous, c'est pratique. C'est votre dernier mot. Ça va me tomber dessus, mais c'est pas moi, je te jure. Peut-être Gérard. Pour relancer le débat, Gérard, est-ce que la différence entre Sado et Maso est la même qu'entre Maculé et Belluaire? Non, c'est pas du tout pareil. Faut pas confondre tentacule et encultasseur. Mais explique peut-être. Non, mais de toute manière, le Sado, ce que tu viens de me dire, de toute manière, s'il y a une différence, il n'y a pas de différence, de toute manière, sur ça. Entre Saccadé et Belluaire? Non. D'accord. Voilà. Merci pour les rires, mais c'est pas grave. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc, la question, c'est... Quels sont pour vous ces pratiques? Oh putain, j'ai un de ces Larson, mais grave de chez grave. Baisse le volume de ton casque, Gérard. Il est un peu fort, c'est pour ça. Donc, voilà. On va demander à Ken le Dominateur. Oui, alors moi, je suis adepte de ce genre de pratiques. Il faut savoir que, bon, moi, je fais partie d'un club, le club Sadomaso de Vélizy. Et bah, j'y vais toutes les après-midi après le boulot pour bien décompresser d'une journée de taf harassante. Et là, on peut tout dire sur l'antenne de Fun Radio. Ça dépend. C'est moi qui prends les points cassés. Alors donc, dis quand même. D'accord. Bon, bah, je vais essayer de faire ça. Pas trop hardcore. Bon, là, il y a des diverses activités, genre trempage de kékette dans de l'huile bouillante. Pinçage de tétons, fouettage, des activités diverses et ludiques. Mmh. Et on va accueillir Kravacru. Quoi? Krasuki, là. Kravashkiri. Kravashkiri du puits du fouet. Oui, bonsoir, c'est Kravashkiri. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est le puits du fouet 119. Donc, t'as entendu la question? Ah, malheureusement, non. Si tu pouvais la répéter, ça m'arrangerait bien d'ailleurs. Alors, quels sont pour vous ces pratiques? Vous n'allez pas me perdre de laisse en 7 ans! Non, mais t'énerve pas, là. Question de Chaka qui demande combien coûte un SM en euros? Les tarifs, je ne les ai pas et c'est pas dans les questions, c'est dommage. Raté! Eh oui, dommage. Eh ben oui, mais on ne peut pas. Hein. Il n'y a que déjà 14 questions et déjà que j'ai pas le moral, alors c'est bon. Mais Gérard, on est là, nous. Et Thomas qui propose de te faire un massage. Non, alors, des questions comme ça, niette sur l'internet, ok? C'était quoi la question? Bah, si Gérard voulait se faire fister par un coton de tige. Se faire fister? Merci. D'accord. Et hop, ces questions-là, de toute manière, c'est simple, je vais même pas répondre à des questions cons sur l'internet. T'as pas envie de te faire fister? Tu fistes ou pas, toi? Tu fistes? Et ta mère a suce ou pas? Bah, tu veux un débat, tu devais peut-être répondre. Est-ce que t'as déjà fisté, Gérard? T'as déjà fisté ou pas? Gérard doit recommencer le débat. Donc, Kravashkiri, là. Kravashkiri, bah écoute, c'est pratique, c'est compliqué quand même, c'est des pratiques assez récentes. Mmh. Je pense que t'es d'accord avec moi, ça fait pas longtemps que ça existe en fait, c'est un truc qui naît de la société moderne quand même. De quoi, le sadomasochisme? Bah oui, avant tout. Ça existe depuis un bon bout de temps, hein, mon pote. Hein. Ça existe depuis quand d'après toi? Bah j'en sais rien, mais. Depuis l'Antiquité, Gérard. Ben, ça existe depuis assez longtemps. Tu crois qu'à la Renaissance, il y avait déjà du SM? Il y a des clubs échangisme. Donc, le sadomasochisme. Tu vas un peu partout, tu trouveras, d'accord? Oui, il y en a, je pense qu'il y avait du... Donc sors un peu plus de ton trou noir, toi. Ok, je sors de mon trou de balle, ok. Non, de ton trou noir, espèce de con. Noir, pardon. Il y a Caméléon qui demande si GG, t'as déjà pratiqué du SM avec les vers de ton cul. Alors, c'est des questions cons que je répondrai pas. Je répondrai pas à des questions comme ça. Mais je réponds pas, Gérard. Voilà, tu dis que je réponds pas, c'est tout. Gérard, on en est où là? Il vous bon. Fait sa merde. Coussin d'air, ça. Coussin d'air, t'as répondu. Non, c'est cravache qui rit. Oh, doucement, la tête tombe. Oh là, oh là. Il prend les graves. Qu'est-ce qui se passe? Je faisais que répondre, hein. Ah. Tu m'as fait faire une faute. Gérard. Le débat doit... Oh, vous arrêtez un petit peu de me faire chier, là, ce soir. Ouais. Ta gueule. Recommencer. Calme. Putain, le celui... Le débat doit recommencer. Pocantas. Bon, moi, oui, je vais aller vite, parce que je crois que vous me cassez les burnes. Je crois que le débat, il va, à une heure et demie, il va être vite, clos. Attends, hein. Tu poses des questions et on peut même pas y répondre. Il votait blanc. C'est coussin d'air. Oh, putain. Non, est-ce que t'as déjà vu qui mélange politique, le SM et tout? Là, je crois que ce soir, ça va être grave. Je pense que ce soir, vous allez m'entendre gueuler. Ta gueule! La tienne! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, bah, tu travailles ou quoi, merde? Ta gueule! Il est en forme ce soir, hein. Connexion avec le foyer. Et connexion avec ta mère, connard! Ta gueule! Bon, allez, hop! En ton cul. En direct. Hop. Vous me faites chier. Bon, Gérard. Débat doit recommencer. Gérard. Question suivante. Non, mais de toute manière, tout le monde n'a pas répondu et je pense que ce soir, vous n'allez pas me casser les couilles jusqu'au bout. Je vous préviens. Bon, Gérard, tu veux faire un truc, tu vas poser ta question. Non. Gérard. On va continuer. Ils n'ont pas répondu. Je continue sur celle-là. Ok, on y va. Et je répondrai après la pause. Les auditeurs, allez-y, mais calmement. Alors, coussin d'air. Bah alors, justement, le genre de pratique, c'est quoi? C'est tordre les tétons Tu peux éventuellement brûler des gens avec des cigarettes, tu peux les faire marcher à quatre pattes et leur écraser les mains avec des talons aiguilles, tu peux faire plein de trucs comme ça du moment que ça fait mal. Gérard, j'ai une question, c'est... Attends, pour l'instant, tu fermes ta gueule, ouais. Tu laisses les gens répondre. Okay, pas de problème. Cravache Kiri, là, t'as répondu? Ouais, mais bon, moi je torture en amateur, hein, tu sais, moi je fais ça... Bon, bah, il reste plus que Pocantas. Ta gueule, Cravache Kiri, merci. Attends, j'ai rien dit, attention. Tu fermes ta gueule. Merci. Je crois qu'il a rien dit, Gérard, moi j'ai rien entendu, hein. Oh là là là là. C'est vachement énervé ce soir, quand même. T'as tes règles ou quoi? Hé, ta mère, t'as été voir si vous avez... Et le prochain qui me dit si t'as tes règles, je vais demander si sa mère va faire les spaghettis à la bolognaise, là. C'est génial. Bon, allez, vous me pâtiez la question, vous la gardez, on écoute un disque et je vais régler mes comptes. Et ta mère aussi, au revoir. Cravache Kiri, bonne nuit. On demande, pour recentrer le débat, est-ce que t'as déjà lu un livre du Marquis de Sade? D'où vient le nom sadisme? Non, Cravache Kiri, tu lui dis au revoir et terminé. Le boum boum. Hop. Mais tu réponds pas à mes questions quand elles sont arrivées. Non, de toute manière, c'est de la merde, là, ce qu'ils sont en train de nous poser. Mais n'empêche qu'on est à 8783. Ah, bravo. Ah, c'est peut-être tout. Ouais, bah, c'est tout. La dernière fois, t'étais à 7112. Donc, le disque, c'est quoi? C'est écrit là, tiens. Ah, bon, vas-y. Alors, prends-moi le doigt de Christina, mon cul. Okay. Ah, d'accord. Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000, là, tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Arrête, comprends pas ton tacule et encule ta sœur. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc, suite du débat sur le SM. Et donc, on venait de s'écouter. Prends-moi le doigt de Christina Moncube. Bon, à mon avis, je pense que c'était un peu de techno, donc pour ceux qui ont reconnu et qui ont voulu danser de manière... Céline a voulu danser dans les studios, on l'a vu. Donc voilà, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0800... Merde, j'ai même plus le numéro sous les yeux. Mais merde, dis donc, ce putain de numéro de 0825-085-000. Voilà. Et pour les Belges, 033-0825-085-000. Ouais, j'ai même pas où quel numéro est sur le net. Funradio.fr pour ma chatte. Voilà. Voilà. Et donc, on récupère donc un de Bruxelles, Sadom. Juste une petite question de Gepetto qui dit « Moi, j'ai bouffé un cul en bois. Est-ce que je suis SM ?» Alors, il a bouffé un cul en bois. Ouais. Est-ce qu'il est SM ? Est-ce qu'il est SM ? Bah, il est Pinocchio. Bah, il y a wow Pinocchio qui mange ouais un cul en bois. Ouais, c'est GG dans ton ouais cul. Donc, on a Sadomaoïste de Bruxelles. Bonsoir camarade, Sadomaoïste 118, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Ken le Dominateur. Ken le Dominateur, 101.9 sur la bande SM. Ouais, tu permets, c'est moi qui donne les fréquences, d'accord ? Et comme on les a déjà données, on n'a pas besoin de les répéter. Okay. Coussin d'air. Présent. Et Pocantas. Salut. Ouais, bonsoir. Donc, quel est... Donc, je répète pour Sadomaoïste, là. Maoïste. Donc, quels sont pour vous ces pratiques ? Alors, pour toi... Sadomaoïste, ouais. Bah, écoute, moi, je torture en freelance un petit peu, quand même. Donc, bah, écoute, je fais ça pour mon propre plaisir personnel. Faut savoir que, bah, écoute, ça me vient de l'enfance. Et moi, je pratique tout type de SM. Hein. Sans distinction de quoi que ce soit. Hein. Je prends tout, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Est-ce que je peux te raconter ma journée de sadomaso hier, ouais. Si ça te dérange pas. Attends, ça peut être intéressant pour ouais les auditeurs. Alors hier, c'était atelier épingle dans l'anus. Ouais. C'était un descriptif. Et à un moment, il y a un mec... Qui sait qui s'amuse à appeler quelqu'un d'autre derrière. C'est pas moi. C'est pas sympa. C'est quoi ce bruit de téléphone, là? Donc, je te disais donc, GG, tu m'entends ou pas? Tu m'écoutes? Quelqu'un a double appel, je crois. Qui sait que... Allô. Quelqu'un a double appel, j'ai l'impression. Allô. Qui? Pocantas. Faudrait décrocher, là. Allô. Pocantas. Une connexion avec le choix. Oh, ma gueule un peu, là. Ta gueule. Une question de Rode. Question de Rode qui demande pourquoi est-ce qu'on oblige les danseuses de l'opéra à danser sur la pointe des pieds, ce qui aurait pas été plus simple d'engager tout de suite des grandes. Mais non, mais attends, c'est pas du tout un débat sur, sur la pointe des pieds. Question de monsieur Cousin. Ça y est, ça recommence. Et allez. Pocantas, t'es toujours là? Ah oui, je suis là, Gérard. Bon, alors, qui sait s'amuse avec un double, non, mais double je appel, là? On a un problème au standard, peut-être. Allô? Ah, je sais pas d'où ça vient. Vérifie, hein, Céline, c'est peut-être de ton côté. Hein. Allô, Win? Ici, Trouille. Ah, ça y est. Hop là, voilà. Ça y est. La prochaine chanson, ça, Gérard. On n'arrivera pas à la joindre, Julien. Comment? Bon, Gérard, pose ta question. Attends, de toute manière, j'ai jamais dit qu'on allait appeler Julia, d'accord? Question de Mad Max. Il se demande s'il se fout un éléphant dans le cul, c'est du SM ou de la zoophilie? S'il se fout un éléphant dans le cul, c'est de la SM. C'est de l'amour. C'est de la SM? Ouais, c'est de l'amour. Est-ce que pur. T'es le roi de la SM, toi? Non. Actuellement. Ah, viens pas dire que c'est moi maintenant, hein. Putain, je commence à en avoir marre et c'est tous les débats comme ça. Eh ça va être à chaque débat, on va entendre des conneries. Le roi de Gérard doit recommencer. Il y a un bordel, quelque chose de mignon. Allô, Gérard. Ta gueule, voilà. Ta gueule. Tu cartonnes. Ah, quel organe. Voilà, comme ça, moi, je me fais comprendre. Ouais. Chacun qui dit que t'as les chicots en freestyle. Et sa mère, elle a la chatte en feu. Ouais. Pour moi, celui-là, il va pas me casser les couilles. C'est avec ses moignons. Alors. Ken le Dominateur, au revoir. Ah, c'est pas moi. Je m'en fous, au revoir. J'avais une anecdote, en plus. Ouais, bah, en plus, une anecdote. Eh, tu pourras lui dire qu'il reste poli avec moi, sinon il va se faire enculer. Gérard, une anecdote, c'est une blague. Ouais, non, mais j'en ai rien à foutre. Celui-là, il va se faire voir. Hop, terminé. Coussin d'air. Ouais. Coussin d'air. Bah ouais, Je suis là. Et putain, mais... Ta gueule. Allô, Gérard. Il se passe quoi, là? Qu'est-ce qui se passe? Péro. Oui. Ça suffit. Mais c'est pas moi. Bah, regarde. Oh. Et là-bas, le bouton rouge. Merci. Tu t'exposes le bouton rouge. Bon. Hey, Gérard. Bah, je crois. Je me demande si on va aller loin au débat. Bah oui. Jusque dans ton cul. Voilà. Alors. Sado et cousin, au revoir tous les deux. Allez, au revoir. Bonne nuit. Mais il n'y a plus personne, hein, à la face. Gérard, il y a des auditeurs au standard qui nous posent une question. Ça va, Thomas? Quand Céline me tape les fesses, est-ce que c'est du sadomasochisme? Non, c'est de l'amour pur, pur et simple. À mon avis, arrêtez de me foutre des doigts dans le cul. Bon alors, on a une devinette. On a une devinette. Une devinette de sucette, sucette à l'anus, qui dit Sado et Mazo sont dans un bateau. Mazo tombe à Sado. Qui c'est qui l'a fisté? Non, c'est Sado. Et ta mère, elle est tombée déjà à l'eau, elle? Non, alors. Oh putain, c'est de la. C'était pas cassé, hein. C'était pas drôle. On a quoi? On récupère le fouetteur masqué. Bonsoir, c'est le fouetteur masqué. De Caen? De Caen. Dans le Calvados. Donc la question, et j'y reviens plus après, quels sont pour vous ces pratiques? Donc alors, le fouetteur. Alors pour moi, ces pratiques sont complètement indescriptibles. Du fait que j'ai entendu dire que des gens se faisaient prendre pour des chiens, c'est-à-dire s'habillaient en cuir, et on les promenait dans la rue. Ils faisaient leur petit caca et on les rentrait dans le club sadomaso. Mmh. Est-ce que t'as entendu Non, j'en ai pas entendu parler. Ok. Coussin d'air, t'es toujours... Non, Coussin d'air, il est parti. Alors, il y a qui, là? Bah, toi, de gérer, hein. C'est Céline. Céline, il y a qui, en fait, là? Coussin d'air, il est parti. Oui, Coussin d'air est parti. Donc, il nous reste Pocantas, Sadoma... Non, Sadomaouis, tu l'as viré. Donc là, je récupère les auditeurs. Pour l'instant, tu n'as seulement que Pocahontas et le fouetteur masqué. Gérard, j'ai une question à te poser, c'est le fouetteur. Non, mais attends, tu permets, tu laisses répondre Pocahontas? Oui, sans problème. Merci. Alors, oui, non, moi, j'avais simplement une amie qui... Enfin, j'ai toujours, d'ailleurs, elle n'est pas morte encore. Merci de parler des morts, Pocahontas. Non, mais justement, elle n'est pas morte. Parle pas de chevellement. Donc, j'ai une amie qui pratique le sadomaso. Et elle, en fait, simplement, une de ses pratiques préférées, je t'aime raconter, c'était... Excuse-moi, je suis un peu enrouée. Mmh. C'était se faire enduire le vagin de Harissa. Et elle souffrait et son copain après mangeait la harissa directement dessus, quoi. Ah putain, c'est un CR là. Ah, tu kiffes mon salaud, hein. Oh putain, Non mais je vais te dire une chose, c'est encore plus grave que mes recettes de la spaghetti à la bolognaise, hein. Alors donc le fouetteur masqué, tu voulais me poser une question? Je voulais te poser la question suivante, à savoir, est-ce que tu préfères sortir avec une fille un petit peu dominante ou soumise? Voilà, aucune des deux. Je vais te dire une chose pour l'instant. T'aimes pas les filles? Attends. Réponds à la question, Gérard. Hey, est-ce que ta mère, elle aime les mecs? Voilà, tu l'as bien gagné, ça. La bonne vanne. Ah, oh, ça casse, putain. Voilà. Putain. Ça casse, c'est casse. Ah, le fouetteur, putain. Non, c'est pas le fouetteur. Non, mais... Oh là là. Attends, c'est qui? T'as une répartie d'armes. Ah oui, vas-y Gérard. Vas-y Gérard, fouette. Attends, c'est qui vient de répondre? Tu fouettes Gérard, tu fouettes. Oui. Attendez. Vas-y, fouette. Vas-y, tu fouettes. Attends. Tu fouettes Gérard. Oh bah, tu fouettes. Ah. C'est moi qui commande. Ouais, ouais. Qui vient de me sortir ça? Qui? Le fouetteur. C'est quoi Gérard? Non, c'est pas le fouetteur. Hein. C'est Poncho, bonsoir. Poncho. Bonsoir, c'est Poncho. Poncho. Où qu'on a Poncho? Bah, il vient d'arriver, là. Et Mambo. Mais c'est en dessous de sombrero, Mancho, c'est la feuille en dessous de sombrero. C'est Saber Mancho? Saber Massoche. Ouais, c'est toi, Saber Mancho? C'est toi qui viens de me sortir ça? Non, du tout, moi je viens juste d'arriver à l'antenne, je ne sais pas. Et le Marquis de Sable est là, normalement. Bonsoir, Marquis de Sable. Bonsoir, Marquis. Bonsoir de la Grande Motte, Marquis de Sable. Ouais, mais c'est bon, ça y est, on a compris. Bonsoir. Il y a beaucoup de gens qui pensent que tu fouettes, hein, sur le Internet. Ouais, bah, si je fouette, la bande, il faut mieux sentir que tentacule ta soeur. Ouais. Alors, je préviens que le prochain qui me redit ça. Que tu fouettes? Il va dégager rapide. Ça suffit là avec ce bordel. Parce que tout à l'heure, le débat doit recommencer. On est à 10 000, on est à 10 555. Ok, je te remercie. Mais il n'y a rien à foutre. Je suis content qu'on soit déjà à 10 557. 5. T'as pas écouté. 557. Et Céline, oui, on n'est pas dans un aéroport, on est dans une station de radio. Céline, j'ai l'impression que c'est une dominante. Ah, ça pue. Et ta mère, c'est une dominante ou c'est une putain? Faut dire. Oula. D'accord. Alors je vous préviens, d'une chose, que vous allez laisser les gens de mon équipe tranquilles. Ouais. Ok. Ouais. Alors, de bon entendeur, salut. Merci, pour, merci les Gérard. Nous aussi, on va te défendre. Gérard, oui, mais le problème, c'est que en fait, Céline est une dominatrice. Non. C'est bon, toi, arrêtez. Tu l'as jamais vu en cuir. Arrêtez tous les deux de. Faites un petit peu d'écart là, parce que. Hervé, il est avec Karine Dulot. Il y a histoire d'enculage, hein. Gérard, c'était toi. Il y a Céline qui encule Hervé. Ouais, avec un gars de ceinture. Merde, il me manque une fiche. Oula, non, c'est pas regarde, c'était pas qu'une fiche. Non, mais c'est pas grave, je sais qui c'est. C'est vrai que c'était toi la crampe dans Pulp Fiction. Comment ? C'est vrai que c'était toi la crampe dans Pulp Fiction. C'est qui vient de dire ça ? C'est qui vient de dire ça ? Je sais pas. C'est pas moi. Alors, le fouetteur ? C'est ta mère. Non. Au revoir. Bah non. Bah écoute. Au revoir. Gérard. Eh bah, elle a bien raison. J'en étais où? Il y a du fouettage, il y a du SM en direct. Stop, on a ce que je peux te faire avec ma bite, Gérard. On arrête un petit peu. Et lui tapote la nuit. Et ta mère, elle tapote la bite de ton père dans la nuit? Elle est tienne de gueule, connasse. Mais t'as un problème avec ta mère ou quoi? Mais la tienne, elle va se faire enculer. Elle est tienne de gueule, connasse. T'as l'air d'être un peu complexe. Alors, Marty de Sable, au revoir. Bonsoir. Voilà, comme ça. Donc, il nous reste Samber Mazoche. Sader Mazoc. Et Pocantas. Oui. Et bonsoir, c'est Jean-Philippe, je viens d'arriver. Attends, tu sors d'où, toi? Du standard, hein. Ça fait une heure que je stream, là. De ton cul. Une heure que je stream, là. C'est impossible de vous avoir, monsieur Gérard. Impossible. Impossible. Je crois qu'on t'a jamais demandé à l'antenne, toi. Bah si, je viens d'arriver, Jean-Philippe. Non. Bah si. Pocantas. Oui. T'es toujours là? Bah oui. Et Sober. Sader Mazoc, toujours là. Donc l'autre, il a rien à foutre là. Bah, une question sur le net avant que je réponde à la question. D'Internet. Est-ce que, question d'Epsilon, je prends la première qui vient, est-ce que je peux fesser Gérard avec une pelle? Non. Pourquoi? Bah pourquoi? Mais explique, pourquoi tu dis non, tu dis oui, mais tu dis jamais pourquoi. Tu pratiques pas le SM? Non, je le pratique pas. Pourquoi? Parce que tu devrais, Gérard. Tu devrais, hein. Est-ce que tu savais, question de seniorita, est-ce que tu savais, Gérard, qu'il existait des wagons sadomaso à la SMFCF? À la quoi? À la SMCF. Non, c'est SNCF. Ouais, il a capté. Ouais. Il a compris. Ouais, il est futé, dis donc, il est futé. Non, futé comme un singe. Comme un macaque. Comment? Attends, il sort d'où celui-là? Lequel? Je sais pas, il y a... De ton cul. Il y en a un, là, je sais pas d'où qui sort, je voudrais bien savoir. Alors est-ce qu'on a... Attendez, c'est moi qui je récapépète depuis le début. Ouais. Et vous allez bien ouvrir vos neurones. Ok. Saber. Je suis là. Toujours là. Boule de Gaychat. Boule de Gaychat, je suis le donc, combien d'accueillir? Ouais, la dune du pilon, 116.6. Voilà. Et Pocantas. Toujours là. Voilà. Donc, la question, donc, tout le monde l'a compris. Maintenant, je vais répondre. Si personne ne m'interrompt. Ok. Donc la question à la 5. Alors toi, le lascar qui s'amuse à dire des conneries comme ça, tu vas la fermer. Déjà. Ta gueule. Donc, ce sont avant tout des jeux sexuels. On en a là, Gérard. Écoute. Bon, alors je répondrai pas à la question et c'est tout. Vous me faites chier. Je sens que je vais cracher sur le combiné. Ouais, bah c'est bien, bah allez-y. Pouvez-vous avancer dans le débat, s'il vous plaît. Ta gueule, monsieur Mazur, je t'ai pas sonné. Je ne suis pas, je suis Sader Mazur. Dans le débat, Gégé. Bon, les auditeurs, calmez-vous un peu, Gérard continue. Ah, Pedro. Vas-y, à la ferme. Pedro, tu m'excites avec ta voix. Ouais, moi aussi, regarde, écoute bien. Hein. S'il vous plaît. Voilà, maintenant, Gérard, tu peux poser ta question, vas-y. Je les ai coupés de l'antenne, vas-y. Allez, Gérard, s'il te plaît. Vas-y. Donc, je vais quand même répondre à la question parce que ça sert à rien que je fasse les questions si je réponds vas-y, pas. Vas-y, t'es tout seul à l'antenne, vas-y, tu peux parler, personne va te couper. Donc, ce sont avant tout des jeux sexuels. Il s'agit des jeux cérébraux. Mais, ce sont bien des jeux sexuels. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord? T'as écrit ta réponse? Oui. Ah, tu viens de lire ta réponse, en fait. Voilà. D'accord, c'est vachement bien. Quels sont pour vous ces pratiques? Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Merci. Le compte est bon, donc. Voilà. D'accord. Alors, comment... Ouais, Esteban, est-ce que tu pourrais tapoter ton gland sur le micro? Et ta mère, elle va aller... Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux le faire? Non, mais alors là, je vous préviens. Merde! Ce soir, c'est SM. Question de tomate, qu'est-ce que tu penses de l'ASM de 35 heures? Quand les connards arrêteront, je répondrai aux questions sérieuses. C'est ingérable. Et ta mère, elle est ingérable. Ouh, oh là là. Truc de fou, là. Le débat de Gérard doit recommencer. Je vous préviens tout de suite que ce soir, j'ai pas l'intention de... Bon, les auditeurs, calmez-vous deux secondes. Vas-y, pose ta question, enchaîne. Non, enchaîne, Gérard, vas-y. Question de monsieur. Comment appelle-t-on le lieu où, où ceci est pratiqué? On va demander à Boule de Guéchat, là. Moi, je sais que j'aime bien me faire fouetter dans des donjons. Oh. Moi, j'ai une petite préférence pour tout ce qui est donjons, catacombes, trucs comme ça. Oh. Des soupentes, des caves. Oh, c'est bonne. On peut taper aussi dans les trucs glauques, le cimetière, la morgue, enfin tu vois, un peu de tout quoi. Gérard, est-ce que tu serais prêt à te faire dominer sur un tas de fumier? On parle pas de son ex-femme, on parle pas de son ex-femme. Alors, boule de Gaïenne, sabeur, au revoir. Allez, au revoir. Alors, tu les as bien fistés là. Ah ouais. Céline, t'as le cul dans lui. Céline. Oui, Gérard. Faut bien te dire une chose. Me dispute pas, Gérard. Non, non, mais je vais te dire une chose, que ces deux-là qui viennent de passer oui. sont Tony et Arnett. Ah non, mais non. Ah si. Arrête mais non. Ah si. Non, ah, si. Gérard. Si, malheureusement. Non. Ah, bah, tout oh là ce que là, tu veux, non. j'ai reconnu les ah, voix. Ah, mes condoléances. Non. Bon, vas-y, Gérard. J'ai reconnu les voix. C'est donc, pas grave. Non, mais de toute manière, comme il nous reste plus qu'une personne à l'antenne. Ouais. Donc, on va. Il reste deux personnes. Il reste deux personnes, Gérard. Qui? Pocahontas et. Et qui? Et le fouetteur masqué, normalement. Ah non, le fouetteur masqué, il y a longtemps qu'on y avait dit au revoir. Hein. On a que Jean-Philippe, celui-là. Hein. Bonsoir. Ah non, le fouetteur masqué, on y avait dit au revoir depuis longtemps. Hein. C'est clair. On a une question de GG Ricane. Gérard, as-tu déjà participé à une ESM? Entre parenthèses, tout le monde sait que ESM veut dire soirée mousse. Pousse mousse, tu pousses et ça mousse. C'est bien plus malin pour se laver l'arrière-train. Là, il doit pas connaître. C'était alors, une petite minute de fantaisie, Gérard, que ouais, tu ne peux pas alors, m'imputer. Donc, la réponse, c'est pousse pousse. Sa mousse et sa mousse, et sa mère, elle va se faire enculer avec un pouce-pouce. Oh comme ça, un pouce-pouce, c'est un truc chinois, et ça va deux fois plus vite pour aller chercher à manger. Et en plus, c'est poussé, quoi. C'est, ouais, putain, voilà. C'est pouce-moussé. Oh là là, ça va loin. Donc voilà. Donc, il nous reste plus que Pocahontas, malheureusement. Gérard, tu sais, et je me dis que t'es beaucoup plus sexy quand t'es souriant. Hein. T'es trop énervé ce soir. Et quand tu te laves? T'es vachement trop énervé ce soir. Parce que quand il sourit, on voit sa glotte. Pourquoi? Non, mais... Pourquoi que tu me dis ça? Parce que t'arrêtes pas de crier, t'es beaucoup plus sexy quand t'es plus calme. Mais ben, moi, je trouve que t'as une voix vachement sexy quand t'es calme. Non, mais là, pour l'instant, en ce moment, c'est que c'est tout. Il y a autre chose qui va pas, c'est tout. Je peux pas le dire à l'antenne, et malheureusement, c'est tout. Oui, mais c'est pas une raison pour crier comme ça. Bah oui, mais je suis bien obligé. Sois sexy. Et tu sais, genre, tu fais fantasmer des tonnes de filles, hein. Non, bah, je sais comment on parle. Hein. Mais par contre, quand tu cries, beaucoup moins. Ouais, de toute manière, ça m'étonnerait que j'en fasse fantasmer beaucoup. Mais si. Ah, bah, écoute, moi j'ai plein de copines qui me parlent de toi. Les transsexuels. Non, mais ça, on verra ça plus tard, toi. C'est pas parce que je t'ai demandé de participer qu'on doit tous dire à l'antenne, d'accord? D'accord. Donc, je vais faire. Ta gueule. Avec les coins, parce que moi je commence à avoir envie d'un café, puis je commence à avoir la dalle. Donc alors, on va faire un peu de sondage. Qu'aimez-vous dans le dans le SM? Pedro! Quoi? J'ai rien fait cette fois-ci. Tu peux arrêter, hein? Oh Pedro! Putain, mais c'est grave. Mais putain, mais quand est-ce que je vais arriver à faire un débat sans que j'aille de connard, de bruit de fond, tout ça? Je me le demande. Quand t'auras des dents. Pas demain. Bon. Disque. Non, il n'y en a pas, Gérard, il n'y a rien de calé. Fouette tes œufs, Nadège, des deux doigts veulent mieux qu'un, et on se retrouve tout de suite après. Gérard, hein, il n'est pas calé, Gérard, le disque. Est-ce que je peux faire un point sur le nombre Il n'est pas calé, le disque. On y va. D'auditeurs internautes de Fun Radio. Si on pouvait me dire lequel. Qui sont 13 997. J'attendais qu'on soit à 14 000, mais ça arrête pas d'être en dessous, en fait. Non, 13 997. Donc, bien. On va s'écouter. Attends Gérard, il n'est pas calé, pose ta question. Vas-y, on va faire les choses dans l'ordre. Il faudrait que quelqu'un vienne me dire ce qu'il faut mettre d'ailleurs, ce serait bien. Ben ça y est, je l'ai. Non mais je sais pas où il est dans la machine, c'est pour ça. De toute manière, faudra vous. Merci pour le Larsen. Coupez le casque. Donc, Doc Géronto de Blénaud sur Faisan, là, 115.5. Allô ? 105, allô ? Et on accueille d'Avignon, 112.8. Oui, bonsoir Gérard, c'est mon accueil. Donc, alors, la question... La dominatrice le fait-elle pour son plaisir ou par obligation? Donc, vous réfléchissez à la question. Vas-y, brode un peu tant qu'on n'a pas la musique. Vas-y, parle de ce que t'as fait ce week-end. Non, je vais. Non, y a rien pour l'instant, je te jure. Hein. Je te promets. Non, mais je vais faire. Comment? Ah, il a dit ça. Alors, attention, Doc Joranto. Où on accueille. Non, attention à ce que vous dites. C'est pas moi, il y a erreur là. Attention à ce que vous dites. Attention à ce que vous dites, d'accord? D'accord. Donc, on va faire un sondage. Alors, qu'aimez-vous dans le SM? 80% la lacération au cutter rouillé. C'est pas mal, c'est bon. 60% prendre un bain de cire de bougie. Mmh. Se tromper le sexe dans le caca. Oh. 20% se prendre au plafond avec des chaînes. Oh. Et 1%, ça fait mal de se faire fouetter. Oh. Donc fouette. Après, on continue. Oh, oui. Comme ça. Ouais, ben, rêve un peu. Oh, oui, quels couples sont célèbres pour leur pratique? Alors, 90% Stone et Chardin. 70% Bonnie and Clyde, 50% Winnie et Porcinet, 32% Bibi et son phoque, et 10% Tic et Tac. Et voilà. Gérard est sans nez. Et ta mère? Et mon père? Alors? Il y a un truc chez les standardistes. Hein. Ils sont en train de se fouetter. Moi, Gérard, Céline m'a excité, j'ai pas pu m'empêcher de la fouetter avec mon casque. La question est faite. Céline. Tu le sens, mes gros chicots. Elle est presque aussi excitante que Fildar. Ah oui. Allez, Gérard, on va écouter un peu de musique. Vas-y, annonce le titre. La question est la dominatrice. Le fait-elle pour son plaisir ou par obligation? Et on va s'écouter. Fouette les œufs, Nadège, de deux doigts dans. Deux doigts valent mieux qu'un, et on se retrouve tout de suite après au 0823 08 5000. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Le morceau que tu nous as passé vers la fin, mais grave. Et voilà, donc vous venez de vous écouter un remix, donc c'était pas du tout ce que je vous avais annoncé. Fouette les œufs, Nadège de doigts, Van Nyokin. En fin de compte, c'était un remix de Gérard. Et bah c'est le titre du remix. Ouais, mais ça m'étonnerait. Bah si. Donc pour l'instant, on a toujours au standard Céline. Oui, Gérard. Pour l'instant, elle est toute seule, mais c'est pas grave. Elle va bien gérer son boulot. Ouais. Hervé, il est parti aux toilettes pour femmes. Toujours sur le site internet, donc Franck. Esteban. Les cités d'or, Gérard, les cités d'or. Donc, le site, parce que. Un point, combien on est? Ouais. Alors un point, donc. On est 14 191. Donc les gens, apparemment, attendaient ton retour après le disque. Donc voilà, donc vous pouvez toujours laisser des messages par rapport au débat. Kala qui pose une question, si le fond de la psychologie intérieure d'un être vivant pratiquant le sadomasochisme était inversement proportionnel à la relativité de l'acte commis, est-ce que philosophiquement parlant, une femme et un homme entre corps et âme dans une relation entraînant quelques sévices corporels ou psychiques serait mythologiquement voilà. La question est trop longue, je pourrais pas répondre à cette question-là, c'est trop long pour moi. Je suis désolé pour lui. Donc on accueille. Mais il dit plus c'est long, plus c'est bon. Et moi je pue de la gueule à chaque fois. Et puis Pedro toujours à l'arrière en espérant. Merci. Je vais pas gueuler sur la dernière demi-heure qui nous reste. Non, la dernière heure. Dernière demi-heure. Ouais, la dernière heure. Ouais. Non. Deux heures. Parce que après, j'ai besoin de. T'inquiète pas, Gérard, de terminer dans les toilettes. Après. J'ai besoin de lancer des petites annonces, comme d'habitude. Et donc, on accueille Tigra de Fouette-moi en Yvette. Bonsoir, Gérard. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ce nom de ville? C'est une ville près de. En Yvette. Oh! Tigra! Tu fouettes. Tigra! Bé! Arrêtez la la musique derrière, s'il vous plaît. Gérard, deux secondes. Oui. Arrête la musique. La une, on l'arrête. Gérard. Tigra, tu la reprends. Ah non, mais Tigra, elle est géniale, Gérard. Ce n'est pas moi. Oui, c'est Tigra. Oui. Bah non, mais alors là, je vais vous dire. Là, vous venez de me faire péter. L'anus. La boîte à caca. Il s'est pété la boîte à caca, Gérard. Ah là, je vais vous dire une chose. Que, là, dessus, là. Que celle qui va m'appeler demain, je vous garantis pas les dégâts au téléphone. Ça commence déjà. Donc, Géranto. Oh putain, ça y est, ça commence. Oui, je suis là. Bonsoir, Dac. Bonsoir, Tigra. 115.5, 115.5 de Blénaud sur. Sur Faisan. Dans l'Yonne-Maritime. On accueille 112.8 d'Avignon. Ouais, on accueille toujours moi d'Avignon, sur le pont. Bonsoir, on accueille. Bonsoir. Et Pocahontas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Pocahontas. Voilà, donc alors la question... Putain, je sais même pas si je vais finir le débat. Je sais même pas si je vais arriver jusqu'au... Et en plus, on en a fait que 3. On en a fait que 3, il y en a encore... Ça te fait une belle. Ça kiffe, hein. Ah oui, je me caresse les poils. Ah ben voilà. Il mettait son kiff dans mon cul. Ah ben voilà. Manger son caca. Qu'est-ce qui se passe? Alors Gérard, faut que tu gères un peu le débat là. C'est pas mon débat dans ton cul, par Il y a beaucoup de gens qui. Ta gueule! Ah ben voilà. Ta gueule! Coco. Prends un petit coup. Prends un coup. Il me fistait avec sa jambe de foie. Mais en même temps, ça excite Gérard. Et voilà. Gérard. Encore. Oh là là, je me demande si je vais tenir jusqu'à 2 heures. Allez, le principal, c'est que tu ris de toute ta dent, Gérard. La dominatrice le fait-elle pour son plaisir ou par obligation? Sur le net, on se calme un petit peu. Oh. On va demander à... On accueille. Oui, bah écoute Gérard, c'est par plaisir à mon avis, mais ça peut être aussi par obligation. Mm. Et tu peux préciser? Bah écoute, ça dépend, il y a des gens qui sont payés pour ça et d'autres qui le font pour le plaisir. Mm-hmm. Donc pour toi, c'est de, comme ça que tu le ressens, toi? Exactement. D'accord. Et toi, tu le ressens comment? Bah, bien profond, non? Comment? Tu le ressens bien profond, non? Et si c'est pour me poser des questions et que tu réponds avec des conneries? Ah oui, pas du tout. Tu sais ce que je vais te dire? Ah non, je ne veux pas savoir, non. D'accord. Merci, très bien. Alors, un conseil que je te donne, reste calme. Donc, Géranto. Ouais, je kiffe les vieilles. Alors, tu kiffes les vieilles, alors tu vas. Déjà, tu vas même pas répondre à la question, tu dégages. Au revoir. Au revoir. Pour répondre quand même. Non, non. Au revoir. Comme ça, lui, il a répondu tout de suite. Tigra. Ouais, et ben moi, je le fais par plaisir. Parce que c'est quand même assez plaisant d'avoir mal et surtout de faire mal aux autres. D'accord. Pocahontas? Oui, ben moi je te dis toujours, mon amie qui est sadomaso, elle le fait par plaisir aussi. Hein. Elle aime bien voir son copain souffrir en mangeant de la harissa. Et il arrive, tu sais, quand il a la tête entre ses jambes, elle resserre pour l'étouffer le nez dedans. Elle aime bien. Ah, merde. Ah non, mais moi je peux vous dire une chose. Quoi. Déjà, une. Oui, elle fait, c'est pour son plaisir. Mais pour celui du soumis aussi. Parce qu'en fin de compte, ils sont deux pour le faire. Donc automatiquement, donc ça revient à ta question, à ta réponse, Pocahontas. Ils peuvent être trois, hein, parce que nous, on est plus, hein, des fois. Hein. Oui, mais d'accord. Ouais, mais là, ça... Pedro! Quoi? J'ai rien tu fait. Tu m'arrêtes, ce putain de sirène! J'ai rien fait. Ça vient de l'autre studio, Gérard. Gérard, il y a Chaka qui demande si SM a un rapport avec Sylvain Mirouf. Non, pas du tout. Non, mais qu'ils arrêtent un peu sur le net de poser des questions cons. Peut-être qu'il en fait, hein. Bon, s'il peut. Ouais, enfin, j'évite toutes les personnes qui ont envie de te pénétrer jusqu'aux amygdales, hein. C'est ça, je te les lis pas, hein, Gérard. Il y a des gens qui ont envie le jour où il y en a un qui va me pénétrer jusqu'aux amygdales, il va se prendre mon poing dans sa gueule et ça va aller vite, hein. Il sera pas, il aura pas le temps de dire ouf qu'il aura déjà pris mon poing. Donc, ça revenait à la. Ça veut dire quoi, Gérard, pénétrer jusqu'aux amygdales? Ça veut dire jusqu'au fond de la gorge et... Non, ton cul. Il y a Jacouille qui dit, tiens Gérard, on a le même dentiste. Et sa mère, elle est pas docteur. Donc voilà. Bon, donc... la bonne vanne. Donc Jean-Lucas. Donc c'est vrai que... Bon, faut dire une chose. Et putain, mais vous allez me laisser... Vous allez me laisser faire un débat correctement un peu ? Oui, Gustin. Oh putain, mais ça y est, c'est reparti. Bon, allez, je vais poser la question. Oui, Gérard, vas-y. Maître Capello. Bite de ouf, le retour. Bite de ouf, bonsoir. Salut, bite de ouf. J'appelle de Saint-Quentin en Vaseline. 102. Et pourquoi tu dis le retour ? Le retour de. Ah, je croyais. Le retour de bite, tu connais pas cette expression ? Ouais, mais je m'en fous. C'est qui vient de me poser une question comme ça ? Moi. Qui ? Tigrin. Ah bon, moi je connais pas. Non, tant pis. Moi, à part ma géographie. À part une géographie que je connais super bien. Moi, je pense à ma mère qui fait du tricot. Tu fouettes. Ma mère, elle fait du tricot. Pourquoi ? Non, mais moi ici, je suis inutile, je sais rien. Mais si, bonjour, je fais le ménage. Attends, tant que. Tu fouettes. Manger son Gérard. Non, mais Gérard, putain, On est à 15 111 et. Non, mais faut non, bien. On est à 15 111. C'est bizarre, Gérard, j'ai l'impression qu'il y a un bordel, quelque chose de mignon. Oui, c'est plus qu'un bordel, et c'est toutes les semaines, c'est pareil. Oui. Alors, je préviens que j'ai bien l'impression que les débats vont s'arrêter, mais très vite. Il y a Gégé Rican qui dit Gérard, est-ce que c'est pour ça que Sandy était surnommé SM dans les rues de Surem, saucisson mystère. Merci, au revoir. Non, Gérard, reste. Non. T'as cassé un casque. Gérard, reviens. Reviens, Gérard. Quelqu'un va chercher Gérard, ce serait bien. Oui. Non, on s'en fout. Céline. Oui. Va chercher Gérard, cours. Bon, poser les questions. Pédo. Cours, Forest. On va choper ces questions, on va les poser, on va les faire nous-mêmes le débat. Voilà, c'est parti. Gérard est parti chercher une protéine. Alors, quelle question on va faire ? Alors. Il a renversé un truc de café sur la console. Voilà. Non, le dis pas à l'antenne, il y a des gens qui écoutent. Alors. C'est pas vrai. Alors, comment. Vous allez choisir la question après tout. La 12. Tu nous l'as dit. La 12. Allez, hop, on prend la 12. Alors. Quel est. Non, j'arrive pas à dire son truc. Tu dis aussi mal que lui. Bah merci, il faut voir comment il écrit. Il écrit au critérium, c'est pour ça. Quelles sont les personnes qui pratiquent ceci en tant que soumis ? Ah là là, il faut y donner le ton un peu quand même. T'as pas une autre question, elle est pourrie celle-là. Quelles sont les personnes qui pratiquent ceci en tant que soumis ? Bon, bah ceux qui sont là, allez-y, vous gênez pas. On va broder, allez-y. Tu veux des noms ou. Comme vous voulez, des personnalités. Alors il y a mon voisin, il y a mon boucher. Il y a ton cousin ? Mon prof de maths de 3e. Ouais. On les salue. Mais ainsi, il aimait bien se mettre sur le bureau du directeur en petit string tout et il adorait ça. D'accord. Bah, pour moi, c'est tout ce que je connais, moi. D'accord. Bon, quelqu'un d'autre, allez-y. Moi, la soumission, je vous gênez pas. Mais par contre, allez-y. Je peux passer une petite annonce. Je recherche une fille qui me dominerait. C'est vrai ? Oui. Et moi, je vends une Lada. Gérard revient. Il arrive ? Combien de chevaux ? Ouais. Bon, cool. Un cheval, normal. Allez, gueulez, Gérard. Gérard. Tiens ta question, Gérard. Gérard. Bon, allez, on a récupéré la question. Il a la chiasse ou quoi, là ? Bah, j'ai l'impression, ouais, il est chacun canard. Qui saccage le studio, là ? Bah, il a pété un casque, je crois. Alors, attends, on va récupérer le casque quand même. Bon, ça va, il est entier le casque, hein. Je tiens à prévenir. C'est cool. Ça doit être celui de Anka. Non, celui de Max. Voilà, t'as ton casque, Gérard, tu t'assois. On va y retourner. J'ai des capotes sur les épaules. Est-ce qu'on pourrait appeler Marlène, là ? On va demander à Max après. Moi, je veux bien être un petit crunch. Bon, Gérard, tu mets ton casque ? Allez, GG. En fait, t'as faim, Gérard, c'est pour ça, non ? Allume ton micro. T'as faim, Gérard, en fait. Tu veux que je t'emmène un grec, Gérard ? Non, allez, vos gueules un peu maintenant. Bon, alors attends, on va juste couper deux. On vous coupe deux secondes, les auditeurs, on va discuter entre nous. Attention, réunion au sommet. Ouais. Non, mais de toute manière, faut bien se dire une chose que si j'ai fait ça, c'est qu'il y a des questions sur l'internet et j'avais bien précisé qu'il fallait pas les poser. Donc, on les posera plus, Gérard. On les posera plus. Gérard. Elles seront censurées. Serre ma main. Non, on les fait plus. Promis, plus de questions sur Sandy. Non, mais ça, de toute manière, tant pis, je pourrais pas les garder. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était quoi, Gérard ? C'était les sondages ? Non, c'était des feuilles que je garde régulièrement, mais c'est pas grave. Ok, Gérard. Bon, on va enchaîner. T'en étais à quelle question ? Avant de jeter ton casque ? Et d'enverser le truc ? Non, mais attends, faut déjà savoir qui c'est qui me reste à l'antenne. Voilà, bon, présentez-vous ceux qui sont là. Vas-y, dans l'ordre. Bidouf. Pocahontas. Bidouf. Bonsoir, c'est Bidouf. Tigra. Tigra, ouais, bonsoir. Pocantas. Toujours là. Et on accueille. Toujours là. Okay. Voilà, bon, on a les quatre. Allez, c'est parti. Dans le calme. Maintenant, on y va dans le calme et je préviens tout de suite les gens sur l'internet. On va faire un petit point avant de la question. On est combien ? On est 18 993. Putain. Putain. Hey. Parce que Gérard a ressenti le débat. Il n'y a pas de. Voilà, t'as recentré direct. Mais là, je préviens tout de suite. C'était une feinte. Non, mais je préviens tout de suite que les prochaines questions qui sont posées sur le net, s'ils n'ont pas de rapport avec le débat, qui parlent de quelqu'un d'autre, je ne répondrai pas. Ouais. D'accord. Mais je ne me poserai même pas la question. On les censure nous-mêmes. Ouais, il n'y a pas de problème, Gérard. Donc, je préviens tout de suite parce que là. Il reste encore un quart d'heure d'émission. Non, il reste encore trois quarts d'heure. Alors, Gérard, un quart d'heure. On ressent le débat. Tu peux reposer ta question. On va y aller. Avant l'année prochaine, hein, bien sûr. Gérard, n'oublie pas ton objectif qui est de 20 000 auditeurs et on n'est pas loin. On n'est pas loin. Alors, quelles sont les personnes qui participent Attends. Ah non. D'accord. Attends, quelles sont les personnes... On la refait, hein, vas-y. C'est bien ça, qui pratiquent ceci en tant que soumis. Alors, quelles sont... Ah, voilà. Quelles sont les personnes qui pratiquent ceci en tant que soumis? Toi-même. Non, j'ai jamais pratiqué, je le pratiquerai jamais. Bite de ouf. Oui, bite de ouf. Alors, moi, je pense que c'est des gens, justement, qui ont l'habitude de donner des ordres, genre des cadres, des gens de grande importance dans les sociétés, qui aiment bien, justement, passer de l'autre côté de la barrière et se faire pipi dessus, ou, tu vois, se faire dominer des épingles dans le cul. Non, attention. Attends, bite de ouf. Ouais. Là, je crois que tu vas un peu trop loin, là. Pas pour quand moi, même. C'est ça, le SM. Non, mais merci, Cécile. Non, mais là, je pense que tu vas un petit peu trop loin, parce qu'en fin de compte, la question, on va y revenir juste après. Mais non, okay. Mais quelles sont les personnes qui pratiquent ceci en tant que soumis? Ah bah, comme je te disais, je pense que c'est des gens qui ont des cadres, tu vois, des gens de. Enfin, qui ont. Ouais, d'accord. Qui n'ont pas l'habitude, c'est pas de la couche populaire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tigra. Bah écoute, Bite de ouf a raison, puisque ce sont en général des gens qui ont du pouvoir. Et comme ils ont du mal à supporter d'être toujours, parfaits, entre guillemets, ils ont besoin également qu'on les rabaisse. Donc moi, c'est un peu ma spécialité. Je fais de l'homme politique, je fais un peu de tout. Hein. Je te donnerai pas de nom, j'ai pas le droit. Tu dois avoir un bon client en ce moment. Non, mais de manière, moi, tout à l'heure, je vous donnerai des noms, et de manière, ça me dérangera pas. Hein. Ma spécialité, c'est le gunbox fucking. Hein? Ma spécialité, c'est le gunbox fucking. C'est quoi ça? Bah, tu vois, t'as un gunbox. Mm-hmm. Et puis après, je te laisse imaginer ce que tu fais avec. Voilà. Ah ouais, bah, on s'en fait un genre de punching ball. Voilà. Elle te boxe le rectum. Ok. On accueille. Bah, écoute, moi, Gérard, je pense que monsieur Bite de ouf a tout dit. Mm-hmm. Et qu'il est sûr que c'est des personnes qui sont cadres ou chefs d'entreprise qui aiment bien se faire dominer. Mm-hmm. Il y a aussi des gens qui viennent pour essayer comme ça, genre des ouvriers, des mecs soumis, tout ça. Et mais attendez, attendez. Il y a des gens qui aiment ça être soumis aussi. Ouais, mais attendez, il y a encore une personne qui a Pocantas. On fait un débat. Bah oui, mais laissez répondre tout le monde et puis moi je vais vous répondre. Après, je vous laisserai réagir, mais il faudra aller doucement. Hein. Pocantas, oui. Oui, bah moi je pense pareil, en fait c'est les gens qui ont du pouvoir, les gens qui ont pouvoir quelconque qui font ça. Je sais que j'ai rencontré mon banquier une fois qui sortait d'un club sadomaso, il est sorti tout mal d'ailleurs, maintenant je suis à des couleurs de 5000 francs, il me dit rien du tout. Ah bah d'accord, ah bah il est sympa ton banquier Pocampas, tu me le présenteras. Je le présenterai. Ouais. Alors attendez, maintenant je vais vous répondre, alors je vais vous dire une chose. Que là, je vais vous dire une chose, que je vais pas y aller de main morte. Ça va être drôle, attention. Attention. Alors tels que les dirigeants... Les hommes de pouvoir, tels que ministres, députés, PDG... Gros PDG, hein. Ouvriers, et même chefs de l'État. Ça balance, hein. Oh là là, c'est bon. Ah, soit on l'a trop dit, soit pas assez, donc il faut donner des noms, maintenant. Non, mais ministre, bon... Et des animateurs radio, non? Je pense pas que... Des animateurs radio, ça m'étonnerait. Il y en a qui font des débats, non? C'est pas eux? Non, j'en fais pas partie. D'accord. Pourquoi, toi, tant pis, là-bas? J'aurais bien aimé faire ça. Elle voudrait bien, faire ça. Non, je pense pas, non. De toute manière, vendredi, il paraît que c'est un lapin qu'elle s'est fait poser. Ouais. Puis moi, je m'en suis fait poser plus d'un par téléphone et c'est tout. Mais pourquoi tu tentes pas ta chance avec Céline? Ouais, vas-y. Non, mais pourquoi moi. Pourquoi? Elle est pas mignonne. Pourquoi vous feriez un beau couple. Ouais. Mais attendez, les auditeurs. Oui. C'est vous qui allez gérer avec qui je vais sortir? Non, mais attends, tu veux pas lui faire un bisou en direct là sur la place? Vas-y, va lui faire un bisou, Gérard. Petit bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Le bisou. Gérard, c'est gentil, allez, le bisou, un bisou. Vos gueules. Allez Gérard, un bisou. Non. Allez. Comment elle a trop de la chance, Céline. Un petit doigt. Qui c'est qui parle comme ça, c'est là Pocahontas. C'est Pocahontas. Jalouse. C'est Pocahontas. Mais oui, Pocahontas, bah oui. Elle te kiffe, Gérard. C'est toi, Pocahontas, qui est aussi jalouse. Oui. C'est toi qui es jalouse. Ah, il est content, il a le sourire. Ah, si c'est. Non, mais de toute manière, je le ferai pas pour toi, Pocahontas. On verra ça tout à l'heure. Stop. Il va tomber de haut. Merci. Merci. Merde, je me suis bourré de. T'as une bite dans ton cul. Ah non, là. Et Pedro. On arrête avec ça parce que si vous voulez que je termine à 2h30. C'est pas moi, ça, c'est les auditeurs. C'est les auditeurs. Les auditeurs. C'est de l'ingérable. Arrête de dire que c'est moi. Il jouait pas. Tu vois, c'est pas moi. Est-ce que t'as déjà pratiqué le tétanos fucking Attends, le tétanos, déjà, c'est une piqûre. Non, tétanos, ah non. Tétanos fucking. Est-ce que t'as déjà bouffé le cul à ta partenaire, en fait? C'est ça. Alors, attends, question déjà. Question 2. Manger mon caca. Déjà, une. Non, le tétanos, Pedro, c'est un synonyme de tétanos, la maladie, Gérard. Et Gérard, est-ce que t'as entendu que j'ai dit partenaire et j'ai rien dit d'autre? J'ai caca sur moi. Déjà, faut que je trouve quelqu'un pour... Voilà, déjà, une pour commencer. Et comme c'est pas de mal la veille, alors comme ça, je suis tranquille là. Bah lui aussi, faut qu'il... Vas-y, recentre le débat, Gérard, faut repartir. Hein. Y a-t-il deux catégories de SM On accueille. Attends, on va faire 14h51. Attention, 1h51. Un petit sondage. 14h05. Ouais, un petit sondage. Ouais, un petit sondage. Il est 14h05, donc hein, attention. Ouais, il est 1h51, donc un petit sondage sur le net. Moi aussi, j'ai faim. J'ai pas de sondage sur le net. Non, mais à combien qu'on est? Ah, un point. Ouais, un point sur le net de temps en temps. On est à 19494. Waouh. 19494. Ok. Si tu continues comme ça, tu vas bientôt faire de la télé, GG. Ouais, ben, je pense pas. Ça sera pas de mal avec. Bah, faut pas déconner. Donc, y a-t-il deux catégories? Non, on va pas. Un petit 30 millions d'amis, là. Alors, on accueille. Oui, genre. Écoute, je pense que oui. Non, mais on accueille. Ça, c'est nature. Il va te dire une chose. Au revoir. On a... Au revoir. Voilà. J'ai rien dit, moi. Ça t'apprendra de parler 30 millions d'amis. On lui dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Il t'a dit une chose. Ce n'est qu'un au revoir, mon frère. Ce n'est qu'un au revoir. Ça y est, vous avez fini vos conneries? Alors, c'est quoi la question? Fous-toi bien de ma gueule. Parce que toi, tu risques de faire aussi pareil, bite de ouf. Bite de ouf, j'aimerais répondre à la question. Oui, bah, tu vas répondre que tu vas dégager parce que. Au revoir. Terminé. Si, c'est bon. Voilà, terminé. Allez, hop. Bite de ouf, terminé. Bite de ouf. Bite de ouf. Ouais, ouais, bah, hop, terminé. Tu t'es assis dessus, je crois. Donc, il nous reste Tigre et Pocahontas, ça tombe bien. Et si on peut. Et si ça dérange pas trop le standard? Oui, Gérard. Je voudrais qu'on récupère des filles. Deux filles pour terminer la dernière demi-heure comme vous. Je vais essayer. Vous comme the vous last, me cassez. The last 30 minutes. Comme vous commencez à me casser. You're broken. Et on en a plein les bûches. Comme vous me cassez les burnes. Gérard. Attends là. On t'écoute, et vas-y. Comme vous me cassez les filles. Comme on casse les. Eh, il y a trois filles sur la feuille, Gérard. Il y a trois filles. Ouais, non, mais. Il y a trois glands qui poussent. Trois cochonnes. Ouais, mais on va. Rien que pour toi, rien que pour ta gueule. Oula, il se remet le froc, attention. Non, laisse tomber. c'est pas avec ce que j'ai dans le corps que je risque. Ah oui, d'assurer, ouais, c'est clair. Non, c'est pas celle-là qu'on va poser. Faut que je voie. Elle est bien préparée, le débat. Hein. Bien. Ah, si, mais faut que je voie par rapport à mes trucs. Par rapport à ta réponse, celle que t'as déjà faite. Gérard, t'as pensé à faire de la télé? Non. Parce que je vois franchement les débats que tu fais, je vois les débats de Jean-Luc Delarue sur France 2, c'est à peu près pareil. Hein. Merci, ouais, merci pour qu'on te passe. Non, c'est sympa de ta part. Non, mais ça pourrait faire classe, je te verrais bien avec une oreillette et un costard. Surtout que... Plus qu'à trouver un Minitel. Voilà. Non, même pas un Minitel. Ou bouillon d'inculture, hein, il aurait pu le faire. Ouais, il aurait pu. Hein. Non. Ça se dispute, bouillon d'inculture, tout ça, la classe. Ça se dit pute, il aurait pu le faire. Hein. Ouais. Non, soyez polis, comme, s'il vous plaît. Bah, ça se dit pute. Tiens, le soumis a-t-il le droit de parler à sa dominatrice. On va demander à Tigra. Alors personnellement, moi quand je domine, il ferme sa gueule, voilà. Il a le droit de crier, il a le droit de hurler, tout ce qu'il veut, mais il ferme sa gueule, il n'a pas le droit de me parler. D'accord. Mais on n'a pas répondu à la question tout à l'heure, je crois. Si. Ah bon. Laquelle? Les deux sortes de sadomaso, de SM. Non, non, mais ça, je la poserai tout à l'heure. Ah ok, bah, je mets la garde sous le bras alors. Ouais, ben, si tu veux, y a-t-il deux catégories? Non, non, non, laisse-la tomber, mademoiselle. Pour mademoiselle, bah attends. Oh, ah non, mais laisse-la répondre. Bah, je vais la laisser répondre, mais pour l'instant. Non, mais même, vous allez. On peut caler un petit disque quand même un petit. Bah peu. Non, on vient, on s'en. Attends, Non. Je pose la question. Attends, si Gérard, je dure, j'ai rien de calé. Si je vais jusqu'à. Gérard, bah, même. Écoute-moi, Gérard. Je t'explique deux secondes, hein, comment ça se passe. Par contre, si le son, vous pouvez arrêter, merci. En fait, le truc, c'est qu'il n'est pas calé le morceau, donc il faut attendre un tout petit peu. Céline, va te renseigner pour le morceau, ce serait bien. Oui, Pedro. Oui, d'accord. On va te couper deux secondes, toi. Alors, Céline. Donc, merci. Bah, essaye de me trouver un disque. Bah, pendant ce temps-là, je vais faire les deux derniers sondages qui nous restent. Allez, vas-y, parle-en. Donc, alors, quel objet utilisez-vous pour vos pratiques? Alors, 92%, un pic à glace. Putain. 71%, une clé à molette. 53% des madeleines usagées, 32% des produits chimiques et 7% un yaourt périmé. Dans le cul. Et elle n'aime pas la harissa de ma copine. Non. C'est lequel que tu préfères, toi? T'aimerais pratiquer quoi parmi tout ça? Aucun des deux. Et aucun des deux. Aucun des deux. D'accord. Bah pourtant et t'étais dans le yaourt il n'y a pas longtemps, tu pourras avoir matière. C'est qui dit ça? C'est Tigra? Ouais. Bah comment que tu le sais? Qui c'est qui a fait ça? Depuis très très longtemps. Ah donc tu connais le tu ah connais... connais ta vie hein. Ah ouais. Ouais, je crois que t'es un peu trop renseigné sur ma vie privée toi. Attends, tu l'as dit à l'antenne, moi ça fait longtemps que j'écoute, c'est tout. Ah ben il y en a qui écoutent des nanas qui écoutent plus longtemps que toi. Ouais. Et cause pas. Non non mais attends, tu permets Tigra? Vas-y, fais péter. Il y a d'autres personnes qui écoutent plus longtemps que toi, ouais. Et jamais qui vont qui ont été dire ça durant mes débats, comme quoi que tout le monde connaissait ma vie privée. Hein. Non mais là c'est un débat sur le yogur. Et toi tu fermes ta gueule, gold ceinture, parce que je t'ai jamais demandé quelle heure il était. Ah c'est pas moi. Hein. Qui c'est qui a pété? Hein? Bien sûr, c'est pas moi. Il y a Tom Sawyer qui demande si t'as déjà joué au billes avec tes boules de caca. Non, pas du tout. Okay. Et donc dernier truc. Quelle partie du corps torturez-vous le plus? Alors donc 90% le nombril, on peut tout mettre dedans. Bah, je me demande comment qu'on arrive à mettre quelque chose dans le nombril. Ça faut le faire. Le lobe de l'oreille. C'est l'élément entrera. À vous de voir. Merci au standard pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse. Ma biche. Donc le lobe de l'oreille, à vous de voir. 43% le sexe, 20% les fesses arrière, la fesse arrière gauche, et 2% les poils du nez. J'aime ça. Non mais c'est vachement bien ce bordel. C'est cool. Non mais je crois que je crois qu'on va pas aller jusqu'à 2h30. Et Gérard, pourtant, c'est de vrais sondages. Ouais ben. Il y a des questions, des réponses en sondage qu'on. Lesquelles vraiment... Dis-moi, Gérard. Dis-moi. Attends, déjà ouais. 90% dans le nombril, on peut tout mettre dedans. Moi, je suis désolé, Gérard, j'ai interrogé des gens dans la rue, ils m'ont répondu, on peut tout mettre dans le nombril. On met. Et bien, alors, je l'ai déjà fait, moi. Non, mais attendez. Moi, je l'ai déjà fait. Les auditeurs, pour l'instant, c'est pas à vous que je m'adresse. Je passe à ma mère qui fait du tricot. Toi, t'as du fromage dans le nombril, toi. Et ta mère, elle a quoi dans son cul? Ta gueule! Bon, okay. Gérard, on va laisser les auditeurs se reposer deux secondes. Tu vas reposer ta question, on va envoyer le disque et on va se retrouver juste après, donc vas-y. Bah attends, je voudrais bien avoir la feuille avec le titre du disque. Ouais, elle est où la feuille? Ah, on est en train de la faire, ok, c'est alors, super donc, bien préparé. Alors, pour finir la fin du débat, on aura Vulva. Donc 104 de Toulouse. Gode ceinture 114.4. Oui. Et j'ai demandé des nanas. J'ai oui, pas demandé un trablo. Hein, ouais, c'est ça. T'as un trablo. Une nana, goût de tu pourrais faire péter un. Tu pourrais faire péter un pixis. Hein. Bonsoir. Un petit pixis sur Fun Radio. On aura toujours. Bonsoir, Biquet. Bonsoir, machine. Il y a Bite Épaisse qui demande si t'as un gros trou du cul, Gérard. Je réponds même pas là-dessus. Ok. Mais ça a aucun rapport avec qui donc, tu sais. Donc, la question est, le soumis a-t-il le droit de parler à sa dominatrice? Et on se retrouve tout de suite après pour la suite et fin du débat. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Arrête, comprends pas, tentacule et encule ta sœur. Et voilà, donc, rebonsoir à tous. Donc, suite et fin du débat. En fin de compte, j'ai demandé à mon chef, on m'a dit qu'on arrêtait juste après, on fait deux questions. Et là, on vient de me dire le contraire. Donc, deux questions, la conclusion, on y va, hein, c'est tout. On dira quand t'as fini de bourrer, donc, on pourra peut-être y aller. Je pense qu'on va aller, je sais pas jusqu'à quelle heure. Mais jusqu'à au moins 4 heures du match, je crois. Hein. Non, je pense pas, parce qu'après, je vais rester un peu avec vous de l'autre côté. Cool. Donc, voilà, alors, donc, on récupère Tigrade, fouette-moi en Yvette. Ah non, attendez. C'était le disque, c'était Mange mon cul de Branle-toi. Donc voilà. C'est là, c'était kiffé, hein, salaud. Donc voilà. Donc alors, on a toujours. C'est bonheur. Bien. On a toujours Tigra. Oui, rebonsoir. Rebonsoir. On accueille. Non, on accueille, il est plus là. Ah, Vulva. Oh, on a plus. Ah non, on a Vulva. Vulva, bonsoir. Bonsoir, Vulva. Bonsoir, Tigra. Bonsoir, Vulva. Tu vas bien? Tu es très féline. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Tout à l'heure c'était une nana là. Attends, ils sont peut-être partis pendant le disque. Non, si. On a deux nanas, on a Tigra et Pocantas. Oui, et Vulva et Goût de Ceinture. Ah non, Vulva c'est un mec maintenant. Tu voulais de la nana? Elle a une voix grave, je suis désolée, j'ai eu du mal avec elle, mais. Moi c'est pareil, hein. Non, mais ouais, ben prenez-vous pour des travaux, ça vaudra mieux. Ok. Je peux mettre un petit doigt à Céline pendant. Non. Ah, bien sûr. Moi, je veux bien. Bah, vas-y, gêne pas, vas-y, fais-toi plaisir. Combien qu'on est sur le net, là? 19 991. Ah, plus que 9, on est à 20 000, hein. C'est énorme. De toute manière, juste avant le disque, on était à 20 000, hein, presque. Ah ouais? Non, mais là, on a remonté. Donc, alors, le soumis a-t-il le droit de parler à sa dominatrice? Donc, on va demander à Vulva. Le soumis, obligatoirement, doit parler à sa dominatrice. Parce que, il faut savoir que, c'est un échange, hein, c'est un échange entre dominé et... C'est ce que tu fais. Entre dominé et soumis, donc avec la parole, ça se passe mieux, quoi. Il faut que le soumis demande ce que le dominé doit faire. Oui. Et voilà, quoi, Gérard. J'aime bien quand ça jouit derrière. Got de ceinture. Mais de manière, n'ayez crainte, c'est des sons, parce qu'il savait très bien que le débat allait se terminer sur des trucs comme ça. C'est jouillant. Got de ceinture. Écoute, moi je pense que non, le soumis il doit se taire par rapport à son dominateur. Je pense que c'est une question de rapport de force. Par exemple, toi par rapport à moi, tu dois te taire parce que t'es soumis. Mais attends, si j'ai envie de te dire merde, je te dis merde. C'est un exemple comme un autre. C'est comme ça, moi, pour donner un exemple. Avec ta saucisse cocktail. Tigra, question de Seniorita qui demande si pour être un bon soumis, faut-il avoir fait du soumitsu? Non, pas spécialement. Okay. Ou soumitsu? Ouais. Au-dessus, oui. Plutôt Tigra, la japonaise, c'est soumitsu. Oui. Tigra. Oui. En France, c'est soumitsu. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça dépend du. Tigra. Ouais. C'est l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et là, avec le travail. Ça dépend. Mais tu sais, avec le Tuffel maintenant. Non, non, mais ça y est, vous me laissez finir. Star, on y va en 2h30. Hein. C'est clair. Bah oui, donc, Tigra, t'avais répondu. Et puis l'avion. Oui, j'avais répondu. Non, Pocantas. Il y a une chute dans l'avion quand même. Il y a. Ta gueule! Moi, je suis en train de toucher Céline, ça l'excite. Hein. En plus, elle regarde Gérard. Allez, oh! Elle est gênée, Gérard. Regarde Gérard, Céline. Excusez-moi, moi, j'ai une question au standard. Ouais, Hervé, je t'en prie. On me demande au standard si, après l'émission, je peux me faire attacher un cendrier par et Karine. Me faire fouetter avec une serviette éponge. Je peux, Gérard? Non. C'est Olivier, ah, ça, non? Tant pis. Pocantas pour Oui, le soumis a le droit de parler uniquement quand sa maîtresse lui donne le droit, je crois. Mmh. Donc pour la fois, alors, ta gueule. Qui c'est qui vient de répondre, là? Non, il y a God Ceinture, qu'est-ce que tu venais de dire? Ah, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, hein. Je vais jouir. T'es en train de jouir. Regarde. Ouvre la bouche. Bon, je vais quand même répondre à la question, parce qu'on va faire la dernière. Tu vois, c'est magnifique. Oui. Bon, Gérard, tu réponds à ta question. Quand tout le monde... Ok, je vais les éteindre et vas-y, réponds à ta question maintenant. Non, mais tu laisses. Bon, alors vas-y, réponds. Et puis c'est tout, mais... Je t'en fais le cul. Donc la question, c'est non. Comme ils n'ont pas le droit de tutoyer leur dominatrice. Putain, j'arrête pas de transpirer des couilles. Alors, les deux travelots, au revoir. Bravo. Au revoir, vulva et gote ceinture. Au revoir. Merci. De rien. Merci pour le boum boum. Ah bah je l'ai mis. Hein. Non, on l'a pas entendu. Ah bah y'a que toi qui l'as pas entendu, t'es sourd mon grand. Hein. Voilà. Les oreilles c'est comme le cul, ça c'est. Des coups de fouet. Non. Ah ouais, bah si tu préfères. Ah bah ça c'est pour Tigra. C'est Tigra qui aime bien se faire fouetter. Il y a Total qui demande si on aime faire l'amour dans le pétrole, est-ce qu'on est sadomasoute. Ah bah l'autre s'il a envie de se faire sodomiser dans le pétrole, s'il a envie de sentir bon après avec sa gonzesse, c'est son problème. Ah bah attends, c'est quelque chose. Exactement. Non, moi j'ai jamais été dans le pétrole pour ça. Hein. Moi je parlais pas de ça. Bon. Mais t'as déjà été dans la merde. Dans la merde, t'as déjà été voir. Mais c'est pas moi qui ai posé la question, c'est. Je serais pas contre. Ouais, bon, il y en a qui. Une boîte à caca, une petite visite à la boîte à caca. La boîte à Benko, hop là. Ouais, bah, il y en a. Un petit doigt sur les hémorroïdes et hop. Il y en a beaucoup comme ça en plus. Touche pipi, pose caca, tout ça. Qu'est-ce que le champagne et le caviar de la maîtresse. On va demander à Tigra. Alors je répète ta question. Ah, il vaut mieux. Qu'est-ce que c'est le champagne et le caviar de la maîtresse? Je pense que champagne c'est quand je te pisse dessus. Et le caviar, d'accord. Alors donc on accueille Michel. Bonjour. God Michel. Ta gueule, je t'ai pas sonné, toi encore? Moi, c'est Michel. Et j'avais demandé des nanas pour finir le débat. Bah, tu les attires pas. Elles sont timides. T'es trop vulgaire. Tu es sale quand même, hein? Non, mais attends. Alors, faut bien vous dire une chose. Une chose. Là, je commence à en avoir ras-le-bol. Vas-y, tu vois. C'est que je commence. Ouais, et ben, je pense que ce soir, de toute manière, la question, c'est la dernière. Et je vais régler mes comptes après. Ça, la question. Ton anus. Pourquoi tu dois de l'argent à des putes ou quoi? Mais ta mère, elle doit de l'argent à ton père. Oh, le putain, elle part. Au revoir. T'as même pas besoin de participer. Au revoir. Il y a Catwoman qui dit ma litière à la rage. Est-ce que tu serais prête quand même à bouffer la chatte? Non plus. Ok, c'est net, c'est clair. Tu ne fais rien, toi. C'est concis. Donc, qu'est-ce que le champagne et le caviar de la maîtresse? On va demander à Michel. Alors là, c'est une question qui me laisse perplexe. Je sais pas du tout, Gérard. Je sais pas du tout ce que c'est que le champagne et le caviar de la maîtresse. Mais pourtant, Tigra, t'as mis sur la voie tout à l'heure. Ah, c'est une histoire de pipi de caca. C'est ça? C'est ça, Gérard? Je sais pas. Je vais attendre ta réponse, Gégé. Tu vas attendre la réponse des deux auditrices que j'ai. Ok. On va demander à Tigra. C'était répondu, hein, déjà. Pocantas. Non, je dirais la même chose que Tigra, mais si elle l'avait pas dit, je l'aurais pas su. Donc, en fin de compte, Tigra vous a tiré, à mon avis, à doigt. Ta gueule! Je pratique tous les week-ends. J'invite tout le monde à pratiquer. Égal fort. Pierrot. Moi j'ai personne sur le match, je vais me traboter. Merci. Excite avec ton gilet. On laisse ton piste. Allez, gueule un coup, Gérard. Donc la rep. Je vais te casser tes chics avec ta mon. Ta Bon, allez, hop. Je réponds même pas. Allez, vas-y, enchaîne. Réponds à la question. Donc, la question, en fin de compte, Tigra a répondu. Mm-hmm. Donc, la maîtresse, qu'est-ce que le champagne et le caviar? Donc, le champagne est son urine. Et son caviar, c'est la merde. Dégueulasse. Putain. Ça, c'est la bonne question. Hein. J'ai l'impression que c'est pas un débat très sérieux, ça. Et si t'es pas content, on n'avait pas besoin de t'appeler, d'accord? Donc, c'est pas toi qui commandes sur mes débats, c'est moi. Et je prends les gens qui m'intéressent. Donc toi, tu n'es pas intéressant. Les questions, c'est moi qui les fais. Les réponses, c'est moi qui les fais. On a une question de Dev qui demande, moi, j'aime GG par téléphone, suis-je gay SM? Alors moi, j'aime pas les mecs par téléphone, donc en de bon entendeur, salut pour lui. Donc, qui c'est qui nous reste pour finir? Encore un mec. Pour te finir? On sait pas, attends. Encore un mec pour terminer. Comme Dev. Et j'aime pas trop. C'est pas grave. De toute manière, on va faire la dernière question. Excuse-moi, Gérard, juste avant. Il y a des auditeurs qui me demandent pourquoi certaines personnes du débat ne sont pas d'humeur chafouine. Comment ? De quoi ? Si certaines personnes du débat ne sont pas d'humeur chafouine. C'est-à-dire ? On va te remettre dans le loft, Thomas. C'est taquin, hein. D'accord, bon, je crois que je vais retourner dans le loft. Ouais, ouais, je pense. Va demander à celui qui fait le loft s'ils sont pas en train de faire goulou-goulou. C'est taquin. Wow. Ouais, super. C'est un film des années 60, hein, mais. C'est bon, Gérard, c'est bon. Fouette-moi, Gérard, fouette-moi. Bon, conclusion du débat. Ah bah non, je voyais pas. Non, conclusion. Parce que 4 heures, là. On a Céline qui a une question. Et Céline, tu l'aimes bien. Tu non, mais Céline, je sais ce qu'elle veut, avec que j'aille jusqu'à 2h30 du matin. Mais non, il est hors de question. Mais non. Et Céline te montrera, c'est ça. Non, parce qu'il y a un joli soutif en cuir. Avec le string qui va avec. Gérard, et le fouet. Non, vas-y, toi. Tu vas faire le débat, Evan, allez, viens. Evan veut que tu continues jusqu'à 2h30. Non. C'est terminé. On va mettre des sons à côté. Je fais la 8e et c'est terminé. Après, on arrête. Ouais, merde. Comment un soumis doit-il se présenter à sa dominatrice? Et ça sera la dernière question. Le cul à l'air, Gérard! Il y a un doigt dans le cul, hein. Bon, allez, vas-y, Gérard. Donc, on va demander à Michel. Bon, ça doit être du genre, bonjour, madame, c'est possible de vous jouir sur le torse? Un truc comme ça, quoi. Bon, Michel, au revoir. Pourquoi? Oh, mais non, arrête. Non, les yeux, Gérard. C'est vrai, j'avais oublié Fabrice. Bon, on lui dit au revoir ou pas? Non, on va le garder, de toute manière, on va faire conclusion. Ouais, après. On va terminer. Ouais. On va les faire ensemble. Putain, mais c'est quoi ces débats de merde? Alors, Fabrice, au revoir. Ah non. 30 heures! Non, c'est pas Fabrice! 30 heures! Mais non, Gérard! Allô, Gérard, bonsoir, c'est Fabrice. Je t'ai pas entendu, t'as gueulé? Fabrice, au revoir! Mais j'ai rien dit encore, j'ai même pas dit bonsoir. Je m'en fous! Mais c'était pas Fabrice, c'était pas sa voix, ça se voit. Si, c'était lui. Mais non, c'était pas lui. C'était pas lui, hein, Gérard. C'était lui. Laisse-le répondre à la question, laisse-le répondre. Non, attends, laisse-le répondre, alors on va voir. Il va vite répondre, lui. Je vais être vite géré, c'est bien ça? Vas-y, réponds à la question, il me casse pas les couilles! Alors tu dois te présenter en string rose avec un club de golf dans le cul. Ouais, bah alors toi. Possible, un bois 3. Et ta réponse, elle est aussi con que toi, alors je t'en mets. Ah non, Gérard, désolé, je confirme. Il y a Mad Max qui demande combien tu prends pour une sodomie. Rien du tout, et des questions comme ça, j'en veux pas sur le net. Merci. Ouais, je fais pas allusion à qui tu sais. C'est pas du tout, je vais plus à la loco, donc on arrête un peu de parler. T'as déjà pratiqué alors? Non, rien du tout. Je vais nulle part, d'accord? T'as déjà pratiqué ou pas? Non, non, c'est sincère avec un breakfast. Tigra. C'est quoi la sodomie? Oui, c'est quoi la sodomie? Comment il doit se présenter? Ah oui. Attends, je vais te montrer. Ta gueule! Allô? Tigra? Allô? Oui? Tigra? Oui? Allô? Ah, mais merde! Allô, c'est qui? Père Noël? Bon, allez, ta gueule! Tigra? Gérard, putain, on est à 20 005! On est à 20 005! C'est la première, on lui fait la bise! Allez, on va lui faire la bise! Non, Gérard, la bise! La bouche! Allez! Allez, il a toi dans le cul! Dégagez! Et 20 005, Gérard, ça se fête. Ça se fête, hein. Un petit sodomie, allez. Non, on continue plus. Un petit pommage. Allez. Il y a pas de conclusion, Gérard. Faut faire une conclusion. Fini d'avaler, toi. De toute manière, ils vont répondre à la Gérard dernière question. Merde. Bon, allez. Conclusion. Il y en a qui sont prêts à partir là. Donc terminé. Le Tigra, tu veux répondre? Bah oui, j'aurais bien aimé. Alors vas-y. En fait, cul nu, et si tu veux, je te talque et je te mets des couches aussi, quoi. C'est ça, t'as raison. Bah, il y en a qui aiment ça, hein. Ouais, bah, peut-être. Lolita. Oui, bonsoir, Gérard. Ouais, la voix de Travelo. Salut, la Lolita. Ah non, pas du tout. Non, presque pas. Salut, Lolita. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Bon, allez, tu réponds et qu'on fait conclusion et on arrête. Oh, oui. Bon, allez, Pocantas. Pocantas. Oui. Oh, c'est bien comme ça. Personne. Oui. Oui, elle. Pedro, touche-moi. Je jure. Vas-y, Esteban. Personne. Tu aimes quand je mets mon œil dans son vagin. Pocantas, pour terminer. Oui. Pardon. Comment il doit se présenter? Eh ben, je sais pas, peut-être habillé en cuir et un string, je sais pas. Non, le plus naturellement possible, avec tout le respect. Et la considération Tu lui dois. Excuse-moi, t'as trouvé tes réponses où, Gérard? Madame, excusez-moi, excusez-moi. Dans un bouquin, et c'est tout. Hop, terminé. Conclusion. Conclusion du débat, Lolita. Ça te plaît quand je te mets de la chantilly sur les aisselles? Oh. Et ta mère? C'est bon. Oui. Lolita. Oui, Gérard. Alors, en conclusion du débat, je dirais que... je ne peux pas y aller écrit derrière moi, Gérard. Au revoir. Au revoir. Michel. Michel. J'ai trempé ces euros dans le... Michel, une fois, Michel, deux fois, Michel, trois fois. J'étais en antenne, je suis là. Conclusion. Il faut une conclusion, dans Gérard. Alors, je tenais à dire que c'était un débat très sobre. On a parlé avec du cul, avec poésie et délicatesse. Mais là, moi. Et tu devrais faire plus souvent des débats de cul, Gérard. Oui. Parce que ça te va à merveille. Et surtout le caca. Voilà, je tenais à féliciter l'équipe. J'aime quand je me montre sec dans ton oreille. Hein. Pour son humour, Esteban, Pedro, Céline, la cochonne. Merci et à toi. Et Thomas. Et moi, je pue de la gueule. Ah ouais, Thomas. Merci. Autant dans le loft. Thomas, t'es le meilleur. Et je voulais aussi féliciter Max pour la télé, parce que c'est quand même un beau gosse. Allez, hop, terminé. Au revoir, merci. Tigre. Débat où on parlait de gens qui fouettent. Toi, en l'occurrence, je pense qu'il n'y a pas moins bien placé que toi pour parler des gens qui fouettent. Donc, j'ai trouvé que c'était pour une fois un bon débat. Allô? Je t'écoute. Oh! Ah, tu l'as coupé, je crois. Qui c'est qui me coupe Tigra, là? Remets-le en air, c'est bon, vas-y, parle. Tigra! Oui! T'en étais où? Parce que moi, j'ai continué à parler. J'en sais rien. Donc, je te disais que t'étais super bien parlé super bien placé pour parler des gens qui fouettent. Et donc, bon débat, très bienvenue, avec une équipe très dynamique, et ça fait plaisir à entendre. Alors, donc. Voilà. Ok, mais je vois pas pourquoi tu me donnes Martine pour finir. Oh elle a fait un renvoi, mais t'as fait un renvoi. C'est pas grave, t'as fait un roi à l'antenne, ça arrive à tout le monde. Non, là vous me faites chier. Donc... La contusion, Gérard. La conclusion. Martine. Oui, bonsoir. Gérard, la contusion. Bon, allez hop. Martine. Gérard, la confusion. Non, mais il me reste une personne. Gérard. Oh, mais merde, Pedro. Mais c'est justement ça me casse les couilles. C'est le café que t'as renversé. C'est le café qui fait ça. Non, arrêtez de me prendre pour un con. Allez hop. Hey Gérard, reste la conclusion est peut-être terminée, au revoir. Mais non Gérard, reste. Ah Gérard, termine, allez. Eh putain, tu commences à me casser les couilles, t'as tous les débats. Gérard. C'est pas moi, me tape pas. Il est en train de frapper Pedro. J'ai rien fait Gérard, je te jure. Arrêtez. C'était bon, De toute manière, le prochain débat, tu n'es plus dans l'équipe. Oh. Gérard, c'est Gérard, pas moi. T'as perdu une couille. Pedro, c'était bon. C'était pas moi, je vous jure que c'était pas moi. Non, mais t'as aimé qu'il te frappe. Ah, j'ai adoré, putain, il m'a envoyé un truc dans la gueule. Je m'en fous. GG, tu t'es trempé le membre dans ton café. Pour vous dire, il m'a envoyé une boîte de préservatifs quand même, hein, dans la gueule. Ouais, bah, comme ça, tu les prendras. Ah, bah, ouais, moi, je bien. Bah, Tigran, au revoir. Salut, on va dire au revoir. Non, terminé. C'est pour Céline et Capa. Attends, elle, tu lui dis qu'elle reste polie. C'est pas moi, je te jure que c'est pas moi. Alors, bon, ok, je vais rester les mains sur la tête et tu vas voir que c'est pas moi, quoi. Qu'est-ce que je fasse? Bon, avant la conclusion de Pocantas, combien qu'on termine sur l'internet? On est à 20 716. Alors, c'est ton record, jamais tu l'as fait, surtout au niveau de la contusion. Hein. Bravo Gérard! Et donc, il reste une personne à conclure, c'est Pocantas. Bon, bah, Gérard, bravo, parce que t'es arrivé à tes 20 000 connectés sur le net, c'est bien. Le débat était bien sûr, mais encore une fois, j'étais beaucoup trop énervé, hein, Gérard. Plus ça va, plus tu t'énerves, j'ai l'impression, je trouve ça dommage. Bah, de toute manière, je te récupère en antenne, ça, ok? Gérard. D'accord. Allez, à tout à l'heure, ça va pour tes fesses, hein. Donc, dernier disque. Oh. Alors là, tu dis ce que tu veux, Gérard, mais c'est pas moi, donc, vas-y, hein. Donc, alors, la conclusion du débat. T'as peut-être quelque chose à dire, Gérard, pour conclure? Gérard, ta conclusion déjà. Quand le double son s'arrêtera, je continuerai de faire ma conclusion. Vas-y, je sais pas d'où ça vient, je te jure. Donc, conclusion du débat, de la merde. Comme d'habitude, toutes les semaines, c'est comme ça. D'accord. Donc, le prochain débat, je ne vous dirai pas ce que c'est. Terminé. Donc, dernier disque, fais du vélo sur Mémé, de Paris, j'y vais. À la prochaine, bonne nuit à tous. Vous retrouvez Evan pour la nuit sans pub.